Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'être venu. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci beaucoup, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez me pardonner. Sur le titre, j'ai mis comment nos ancêtres communiquaient avec Dieu. En d'autres termes, comment nos ancêtres priaient. Le sujet sur la prière, c'est un sujet qui ne finira point. C'est un sujet qui ne finira jamais. Un sujet très épuisé sur la prière. Bonsoir, bonsoir. J'accorde encore 5 minutes pour permettre le monde de rentrer. Merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. La prière de ce soir, vous qui me suivez depuis la France, merci de vous brancher. Vous qui me suivez depuis les autres pays d'Afrique, merci. Nos amis qui sont en Chine, qui ont fait des efforts de rester éveillé, ou de certains ont fait l'ongosé, ils sont restés jusqu'à 2h du matin pour attendre le show, parce que je sais qu'en Chine, il est 2h09, et chez moi, il est 14h09. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci pour nos amis qui sont en Finlande. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci à nos amis qui sont en Russie également, parce qu'en Russie, j'ai aussi un groupe de personnes qui me suivent là-bas. Nos amis du Sénégal, du Mali, la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale. Je tenais à remercier, à vous remercier tous. Merci. Et je n'oublierai pas également à au moins une trentaine d'amis. Merci beaucoup. Il est 20h en France. Oh, merci. Merci beaucoup. Et je crois qu'il doit être 19h au Gabon. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être rentré. Et merci pour tous ceux qui également me suivent depuis la Guadeloupe, disais-je, parce que j'ai quelques amis que j'ai connus à travers Tata Nzambé qui me suivent. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup, merci, merci beaucoup, merci. Donc le sujet qui nous réunit ce soir, c'est sur la prière, comme je vous l'ai dit. On n'arrêtera point de parler de la prière, parce que merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Parce que la prière, comme vous le savez, des gens qui se posent la question, mais je prie, mais Dieu ne me répond pas. D'autres disent, je prie, je reçois tout ce que j'ai. D'autres disent, j'invoque mes ancêtres. D'autres disent, j'appelle mes esprits. Donc le mot prière à mille et une compréhensions. Mais ici, je vais essayer de simplifier la compréhension d'un initié, la compréhension des maîtres, selon les connaissances que j'ai eues dans les différentes écoles. Et selon ma propre expérience, je vais vous expliquer, je vais vous donner ma définition de la prière. Sur la prière, nous allons donc parler des prières classiques. Les prières classiques, c'est-à-dire celles qui sont dans la plupart des livres saints. celles qui sont dans les... Aujourd'hui, j'ai choisi ce monsieur qu'on appelle... comment il s'appelle encore? La musique que vous entendez, c'est la musique de monsieur Evouobian. Evouobian, c'était un grand initié du Bouitifan. Donc aujourd'hui, j'ai pu mettre sa... Comment dirais-je? Sa musique, qui est une musique initiatique et qui... Vous, ceux qui sont fans comprennent bien ce qu'il dit dans son message. Ça a un rapport avec la prière. Ça a un rapport avec la prière. Avec l'initiation à l'entrée du temple de Nzambakana. Donc, disais-je, vais vous parler de la prière classique, celle que nous trouvons dans la Bible. Et je vais donner également le point de vue de certains prophètes, certains initiés, certains maîtres, notamment la vie du prophète, comment on appelle, du roi David sur la prière. La vie de Yahshua, Jésus, le Christ, sa définition sur la prière. Bon, je vous amènerai également la définition de la prière selon nos traditions africaines, précisément au Gabon. Je mets dans nos tribus à nous, dans nos traditions, qu'est-ce que c'est la prière et comment prier? Parce qu'en fait, c'est ce qui intéresse plus d'un d'entre vous, ce qui vous intéresse ici, c'est comment prier. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce que c'est la prière. Tout le monde, en général, sait ce que c'est la prière. Nous sommes tous d'accord ici. On sait comment, en un mot, on sait ce que c'est la prière, la définition de la prière. Moi, je ne vais pas venir vous donner une définition étymologique de mot prière. Maintenant, si moi, je veux vous la donner en tant qu'initié, vous verrez qu'elle n'est pas loin de la définition du dictionnaire. Donc, disais-je, je vous amènerai dans la prière classique et... Ensuite, la prière, oui, quelle que soit la langue, même en gomien et en pounou, gishir, la prière, il y a une méthode. Comment nous pouvons prier? C'est le comment là, qui nous intéresse tous ce soir. Et c'est ce, si vous pouvez m'accorder une heure et demie, que nous allons donc nous entretenir. Et éventuellement, je répondrai à certaines questions. Il y a des questions qui m'ont été posées sur notre groupe Tata Nzambe. Tata Nzambe, le Tout-Puissant. Donc, j'ai pu collectionner une bonne dizaine de questions que je vais pouvoir partager avec vous. Mais j'ai sélectionné seulement 4 pour vous permettre également de me poser des questions directes en rapport avec le sujet, là, s'il vous plaît. Voilà. Et également, je vous amènerai le rituel pratique de nos ancêtres. Et je vais vous donner, je vais vous révéler également de nos jours, il y a une religion qui prie exactement comme le faisaient nos ancêtres. À la différence que dans leur prière, ils ont leur, comment dirais-je, leur terminologie à eux. Mais la technique, voulais-je dire, la technique que cette religion utilise, la technique de la prière, en un mot, les rites qu'ils font, c'est pareil comme nos ancêtres, à 100%. Et je vais vous le prouver. Donc, sans plus tarder, nous allons tout de suite... donner un peu de la vie d'un initié. Qu'est-ce que c'est la prière? Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, la prière. En tant qu'initié, est-ce que je prie? La réponse, elle est oui et non. Le oui. Quand on est initié, on est le canal d'expression des dieux envers les hommes. Donc, on est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Voilà ce que ça veut dire un initié. Ou encore, vous pouvez l'appeler maître, comme vous voulez. C'est-à-dire que c'est une femme, un homme, qui a réussi à maîtriser toutes les forces universelles, à les mettre à sa disposition, de comprendre comment fonctionnent toutes ces forces-là, et il les a maîtrisées, et les utilise pour le bien, rien que le bien de l'humanité. Maintenant, nous avons aussi notre manière à nous de prier. Donc les initiés, eux, leur manière de prier, elle est toute simple. Nous faisons ce qu'on appelle des prières méditatives et des prières contemplatives. Tous les grands maîtres, si vous lisez la Bible, vous verrez que Abraham se retirait de temps en temps dans le firmament entre minuit et 3 heures du matin. Le seul La seule partie qui m'intéresse, c'est surtout la partie de comment il s'appelle, Isaac. Voilà. On nous dit qu'Isaac se retira dans le firmament au milieu de la nuit, observant les étoiles. Et là, il priait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une prière contemplative. C'est celle qui consiste à contempler, à observer tout l'univers et à également émettre des paroles, à émettre des mots de félicitation, d'admiration, d'encouragement et, pour ne pas dire, des honneurs au Créateur de l'univers. Et nous allons le découvrir dans le psaume le plus long, c'est-à-dire le psaume 119 qui détient près de 176 versets. Et également dans la sourate, nous avons une sourate qu'on appelle dans le Coran la sourate de Al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate de l'âge. C'est ces deux livres de la Bible que j'ai choisi exprès parce que là-dedans, on nous montre comment les premiers initiés, pour ne pas dire tous ces rois, tous ces prophètes, comment eux, ils appliquaient cette prière contemplative et méditative pour s'adresser au Créateur de l'univers, quel que soit le nom qu'on lui attribue. Parce que la prière dans nos vies de tous les jours, la prière fait partie de la pratique quotidienne de toute religion, de toute croyance. Oh, Crépin, merci de rentrer. Merci, je ne savais pas qu'on me suivait vraiment très bien au Gabon. Merci beaucoup. Donc, disais-je, la prière est indispensable dans toute pratique religieuse, dans toute pratique initiatique et dans toute vie. Je vous dirai que vous serez surpris que même les animaux prient. Ça va surprendre plus d'un. Ah oui, les animaux également prient. Par exemple, les musulmans ou les pays arabes, dans les pays arabes et même les témoins de Jéhovah. Et vous lirez dans la Bible, dans le livre de Genèse ou dans le Coran, que avant d'amener un animal à l'abattoir, il faut son accord. Il y a des prières qu'on fait. Et nous avons observé des animaux tels que la vache, un moment, baisser sa tête et relever la tête en signe d'acceptation de sacrifice pour pouvoir expirer son sang et afin que les humains l'en consomment. Donc, c'est pour vous dire que même les animaux, d'une manière indirecte, prient. Et ici, aux États-Unis, j'ai observé qu'il y a des amis et connaissances, et ça passe même sur YouTube, qui ont appris aux chiens comment prier le Dieu suprême. Personnellement, j'ai vu un chien prier avec son maître. Donc, c'est vous dire, oui, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci, l'Afrique crie résistance. Merci d'être avec moi. Donc, c'est pour vous dire que la prière est un acte d'adoration également, parmi tant d'autres, qui permet l'homme de rentrer en communion avec les dieux, avec le Dieu suprême Zambakana, l'âme universelle, et de rentrer en communion aussi avec nos ancêtres, de rentrer en communion avec nos défunts, de rentrer en communion avec ceux qui nous ont quittés, de rentrer en communion avec les forces cosmiques universelles. Voyez-vous, quand vous allez voir un initié pour demander des travaux, ce monsieur ou cette dame va faire un travail sérieux d'invocation des forces, va faire des rituels. Et ces rituels ne sont autres des manipulations des forces de la nature pour entrer en communion avec les génies. Voilà, il y a plusieurs manières de faire la prière. Donc, ce que je peux me résumer, c'est quoi? Prier, c'est faire appel, soit individuellement, une communion interne en vue d'accomplir le vœu d'un individu ou bien accomplir le vœu d'un groupe. Voyez-vous? Et ceci passe par l'utilisation des rites, l'utilisation des rituels, en d'autres termes, des manipulations des forces de la nature, des manipulations des forces cosmiques qui sont opérées par l'initié. Donc, la prière, je me répète, qu'en tant qu'acte qui fait appel, soit individuellement, par une communion interne, ça c'est moi en tant qu'initié. Je rentre dans une communion interne, personnelle, individuelle, où je veux pouvoir faire accomplir ici le vœu d'un individu ou bien d'un groupe. En d'autres termes, je veux pouvoir, à travers ma prière, faire en sorte que quelqu'un ou bien un groupe de personnes, je fais un travail pour eux, je vais prier pour eux. Voyez-vous? Et ceci est de la responsabilité de l'opérateur. Naturellement, il faut être initié dans la prière. Oui, la prière est un acte magique. La prière aussi est un rite. Parce que il y a un ensemble d'outils, un ensemble de techniques qui sont impliquées. Il y a un ensemble, d'arsenal, de connaissances. Parce que réellement, pour un vrai initié, il ne prie pas. Là, je viens à la réponse de non. Nous ne prions pas. Pourquoi? Parce que nous sommes transcendés par la présence de Nzamba Kana. Nous sommes transcendés par la puissance du Dieu suprême. Nous sommes transcendés ou habités par les forces de génie. Donc on n'a plus besoin de prier pour nous-mêmes. Voyez-vous? Merci beaucoup. Merci, le Gabon me suit. Donc nous prions donc pour les autres. Et je vais vous amener dans la Bible pour vous prouver que normalement, la prière la plus efficace, c'est lorsque nous prions pour les autres. Mais nous n'avons pas besoin de prier pour nous-mêmes. Parce que c'est quand nous prions pour les autres, en réalité, nous prions aussi pour nous-mêmes. Donc, tous les initiés sur la planète Terre n'ont pas besoin de prier pour eux-mêmes. Jésus-Christ, nous allons découvrir, quand il priait, on nous dit qu'il sortait à une heure tardive, entre 1h et 3h du matin, et allait prier. Mais quel genre de prière faisait-il? Est-ce que c'était une prière qui consistait à demander des choses matérielles pour lui-même? Ou bien prier pour lui-même? Ou il priait pour ses apôtres, prier pour ses disciples, ou prier pour le reste de l'humanité? Nous allons découvrir en lisant la Bible. Nous allons parler également du Nganga. Le Nganga, moi-même je suis un Nganga. Nganga, dans le langage Tsogo, veut dire un guérisseur. Nganga n'a rien à voir de charlatan. C'est deux choses opposées. On peut être un Nganga sans être initié forcément au Bouti, c'est-à-dire sans avoir mangé le bois sacré nécessairement. On peut être un Nganga sans manger le bois sacré ou être un maître du Bouti. Donc, il faudrait que cela soit clair. Moi, j'ai été un Nganga, en d'autres termes, guérisseur, parce que ma mère et mon père, et moi-même à travers mes initiations, je m'étais intéressé à la magie verte. Donc, j'ai étudié les plantes, j'ai étudié les arbres, j'ai étudié les fleurs, j'ai étudié pas mal de choses, ce qu'on appelle en général, j'ai fait de l'herbologie, donc la science de l'herbe et des plantes. Alors, par coïncidence, quand je suis allé manger le bois sacré et que les frères et sœurs se sont rendus compte que je maîtrisais certaines plantes et j'avais une connaissance approfondie de la magie verte, c'est-à-dire la magie des plantes, et ainsi, je ne peux point dire non si ces derniers m'appellent Nganga. Mais dans le sens péjoratif, malheureusement, dans nos sociétés gabonaises, quand quelqu'un vous appelle Nganga, c'est toujours attribué dans la mentalité des gens à quelqu'un qui est sorcier ou à quelqu'un qui est féticheur, je ne sais quoi. Donc, enlevez la nuance. Donc, disais-je, le Nganga ou le médecin thérapeute traditionnel, quand il se présente devant l'arbre, quand il se présente devant les plantes, quand il se présente devant... voilà, merci beaucoup. Merci. Quand il se présente devant la plante, quand il se présente devant, l'animal qui est prêt à être sacrifié pour un travail donné, le Nganga va naturellement invoquer les esprits. Il va invoquer les esprits du règne qui correspond aux éléments qui sont devant lui. Par exemple, vous voulez... une plante, vous êtes devant un arbre et que cet arbre détient les capacités de pouvoir aider une femme à laver son ventre, donc à lui permettre d'avoir les enfants. Alors vous, le Nganga, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une prière. La prière qui est une communion, comme je l'ai défini. La prière est un appel qui est individuellement fait par un individu, donc pour ne pas me contredire, c'est un appel individuel pour entrer en communion intime avec les forces cosmiques, intime avec les génies. Donc le Nganga, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans cette prière. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Généralement, on le fait dans nos langues. Par exemple, moi je suis gallois, je dirais en langue Abambo, Ininyami no Mwari Onubie. Mwere onubie, mbamba ibanda le onubie, na kosa, mbuye ami nagenje, na momba. Oboti wami no, ntabunga, ndingu. Mirebo onodu, miatuwa zanwe mongi sino, we buta ho denga ndwani nimbi akon ka ke menozao no gere mie bono ibirani mie mbeli ya mio amba abambo abambo ibirani mie buta no kununguna mie erere zinoze pa ogandaka erere zinoze pa ngulu go denge wilo merere zinoze pa go tondo nana ga dudu winche ambene bono ke besera mie erere zino ke betomba mie ebanda zerere ebanda zinoze be nunguna mie go jinga nkani ino kope ngulu na ba na nogandaka ni ngulu. Bref, je m'arrête ici. Je ne vais pas trop continuer, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise, qui parle ma langue. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Que je rentre dans une prière, donc je communique avec mes génies. Je me présente dans ma prière que je suis en train de faire. Voilà, c'est une prière invocatoire. Je fais une prière invocatoire, ça veut dire j'invoque. Je fais appel aux esprits de mes ancêtres. Je me présente, Mwereonouvie, fils d'Adoumaraonouvie, fils de Onouvie Bandelin. Et bon, nous avons le fils de tel, et de telle tribu, la tribu Amomba Nagena, ou bien Amomba Nagenje. Et alors, vous faites votre présentation du côté de la mère, et je fais la présentation du côté de mon père, de ma mère également. Hein? Fils de Nsabungnding, fils, fille de Sakamenoun, et de Kibing Sozef, et de Bundombi Nebupeti. Donc, quand vous avez fait cette présentation dans votre prière, ces génies, ces esprits de vos ancêtres sont là. Et j'ai dit dans la langue que voilà, je vais pouvoir prendre l'écorce de cet arbre. Permettez-moi en prenant cette écorce, si vous me donnez la réponse, que cette écorce tombe ouverte. Mais si cette écorce ne va pas soigner ce malade, que cette écorce donc tombe fermée. Et vous verrez que quand vous allez taper la matière d'abord en bas et ensuite en haut, vous faites tomber l'écorce. L'écorce soit, si l'écorce tombe ouverte dans nos forêts, moi, je l'ai fait et je le fais toujours. Dès que, si vous voyez que cette écorce tombe ouverte, c'est un bon signe, c'est que les génies, les ancêtres ont accepté que oui, c'est bon. Alors, vous prenez ça et vous mettez dans votre panier et vous continuez vos marches. Et lorsque vous aurez obtenu le nombre d'écorces d'arbres et des fleurs et des plantes et des racines et tout ce que vous voulez pour faire vos travaux de purification ou des bains mystiques, et alors, vous partez faire votre travail. Mais le point que je voulais dire ici, avant de rentrer même dans la forêt, il y a une prière d'introduction et d'entrée dans le temple de Nzambakana. Parce que la forêt, c'est le plus grand temple universel. C'est là où sont logés tous les esprits de l'au-delà. Voilà pourquoi nous qui vivons dans les villes modernes, nous qui vivons dans les grands pays, vous verrez que les esprits, je n'ai pas dit que les esprits n'existent pas, mais ces esprits-là n'aiment pas le bruit et ils n'aiment pas être dans les villes les plus bruyantes. Souvent, ce sont les forces du miasme du bas astral. C'est que les religieux appellent les démons. Ils sont beaucoup plus actifs dans les villes où il y a plein de bruit. Parce que ça, les démons aiment ça. Parce qu'ils aiment quand les hommes sont distraits. Par contre, les esprits du bien qui vivent dans nos grandes forêts, vous comprenez bien, même quand vous rentrez dans la forêt, il y a un calme qui fait peur. Donc, voilà un peu ce que fait la prière. En fait, comment, parce que c'est le comment qui nous intéresse. Voilà comment le Nganga est en train de faire sa prière afin de recevoir l'approbation ou l'accord des ancêtres pour qu'il puisse obtenir sa plante pour pouvoir porter secours aux autres ou à l'autre. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire au début, qu'en tant qu'initié, ce que vous faites appel individuellement par une communion interne avec les forces cosmiques de l'univers, vous faites appel au génie, vous faites appel au Dieu suprême, pour pouvoir venir en aide à un individu ou à un groupe d'individus. Voilà donc comment l'Onganga fait. Tout initié, comme je le disais, nous ne prions pas. Nous faisons ce qu'on appelle des prières contemplatives ou encore des prières méditatives. Ça veut dire que vous verrez la plupart des grands maîtres, ils sont toujours, si vous êtes parti, j'ai été personnellement une fois au Tibet, mais ça fait peur, tous ces mecs-là sont toujours occupés, ils ont autour de ceci, ils sont toujours en train de grainer ça dans le silence absolu, dans tous. Vous pensez qu'ils sont en train de méditer, mais en réalité, c'est une méditation apparente, mais en réalité, ils sont dans des prières méditatives. Donc, ils prient, mais tout en méditant, voyez-vous. Donc, la prière méditative est une prière, non seulement qui vous permet, vous, de vous communier avec tout l'univers, et de là, dans cette communion, vous êtes en train de parler avec les maîtres de l'au-delà. Vous êtes en train de parler avec le Dieu suprême. Et qu'est-ce que vous dites? Voilà ce que vous dites à peu près. Je vais vous amener dans un livre bien connu de tous les chrétiens. Veuillez me pardonner. Et une fois de plus, ceux qui me reprochent de trop utiliser la Bible, en fait, je le répète, que la Bible est un livre universel qui est à la portée et à la disposition de tout le monde, non seulement les chrétiens, mais également tous les chercheurs ou les scientifiques ou qui que ce soit. Et surtout que mon background, comme je le disais, ma base d'éducation spirituelle fut la Bible. Donc ne soyez pas choqués. C'est le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 12. Mais je vais résumer quelques versets seulement. Le verset 2 dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien n'a pu être fait dans l'univers sans cette parole. Elle était la vie. Elle était la lumière des hommes. Et la lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Parce que les ténèbres ont refusé cette lumière. Et il vint pour servir le témoin, pour rendre témoignage. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ajoute le verset 11, et cette lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Voyez-vous, et le verset 12 ajoute, mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. En d'autres termes, quand nous lisons ce verset, nous comprenons l'importance de comprendre ce que c'est la prière. Parce que ici, dans cette parole, quand vous êtes un initié, en fait, vous êtes un avec le Dieu suprême. Et ça sème la confusion. C'est pour cela que j'ai créé un chapitre ou encore un thème que j'ai intitulé « La mystique chrétienne ». La mystique chrétienne, c'est justement une compréhension beaucoup plus poussée et métaphysique de la parole de Dieu que la Bible ou encore le Coran. Occasionnellement, j'utilise le Coran, mais beaucoup plus la Bible. Donc, on nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça, c'était un exemple de prière méditative. Donc, tous les initiés sur la planète Terre, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils font ceci. Ils sont dans cette position de méditation et ils visualisent toute la planète Terre entourée d'une grande lumière bleuâtre. La lumière bleuâtre qui est la lumière de l'amour, la lumière jaunâtre qui est la lumière de la puissance du divin. Et dans leur méditation, alors, ils disent au commencement était la lumière ou la parole. Et cette parole était avec Dieu, mais cette parole était Dieu, et cette parole devint lumière. Et dans sa prière méditative, il éjecte cette lumière sur toute la planète Terre. Donc, tous les grands initiés du Tibet, tous les grands initiés dans le coin du monde entier, y compris votre humble serviteur, à certaines heures, on nous demande de nous asseoir et de répéter cette prière, afin de transmettre la lumière, afin de transmettre la paix sur toute la planète Terre, afin d'amener les esprits de beauté, de bonté, de réussite, de bonheur pour toute la planète Terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une prière méditative, qui consiste donc, comme je vais vous amener tout à l'heure dans d'autres versets de la Bible, à pouvoir apporter, n'est-ce pas, la connaissance et la paix à toute l'humanité. Voyez-vous? Donc, dans la prière, il y a des rites. Avant d'en arriver aux rites, je vais toujours vous amener dans la Bible. Soyez patients. Les rites en question, c'est le comment prier en tant qu'Africain. Ou bien comment prier nos ancêtres. N'oubliez pas. Mais là, je rentre dans les grandes généralités d'abord. Donc, dans l'introduction. Parce que, n'oubliez pas que les religions qui nous ont colonisés, ce sont ces religions-là qui, pour la plupart d'entre vous qui m'observez, ont pratiqué jusqu'ici. Mais le vœu que vous avez émis de pouvoir vous intéresser à ma petite humble contribution par rapport à mes petites connaissances, n'est-ce pas? C'est parce que vous vous êtes intéressé du fait que vous avez vous-même, tout comme moi, constaté qu'il y a des failles qui sont constatées, disons, notoires au sein de toutes ces religions qui nous ont été imposées et que même eux-mêmes, les Blancs, pour la plupart, ne les pratiquent plus. Mais je vous ai toujours dit, le message est clair, je ne vous demande pas d'abandonner ces religions, mais que cet abandon doit être un abandon progressif, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous évoluerez dans les connaissances que vous allez acquérir, soit à travers moi ou à travers vos propres recherches. Gloire à Dieu si vous considérez que je suis votre maître, je serai disponible de vous partager le maximum des connaissances que j'ai, des milliers et des milliers de sujets qui sont inépuisables. Parce que jusqu'ici, ce que je transmets avec vous, ce n'est qu'au niveau 2 ou 3. Parce que quand j'arrive jusqu'au 10e degré, ça va faire fuir beaucoup de gens. Parce que quand vous arrivez au 10e degré de la connaissance, parce qu'il y en a 12, comme l'échelle de 12, les 12 archanges, les 72 archanges, qui, selon le livre de Job, se battaient avec Job, vous connaissez bien l'histoire, hein? Et il y avait dans ces 72 archanges, il y avait une échelle de 12 ou 72 degrés. Voyez-vous, mais c'est symbolique, c'est dans la métaphysique. Il en est même de la compréhension biblique. Voyez, la Bible que vous voyez là, que nous avons entre nos mains, et que pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons lu la dernière fois. Merci beaucoup pour la curiosité d'apprendre. Nous avons lu la dernière fois, quand vous allez prendre cette Bible, vous allez vérifier ça chez vous, c'est la même Bible que j'ai, que vous pouvez vérifier, que ce soit en anglais ou en français. Il y a une annotation très importante que l'auteur de cette Bible-là, qui s'appelle Louis II, il a dit que ce livre, donc cette Bible avait été traduite selon les textes originaux hébreux et grecs, partant du grec, mais n'oubliez pas que c'était d'abord en latin. Tout était parti du latin au grec. C'est ce que les gens n'ont pas mentionné ici. Les Bibles qui sont parties donc de la langue araméique ou hébraïque à l'époque, et les vieilles langues africaines là, ont été traduites finalement, voilà, c'est l'hébreu. Et pour ceux qui viennent d'arriver, sachez-le que les Hébreux, c'était des Noirs. Et ça, j'insisterai toujours parce que la dernière fois, je vous ai donné des preuves bibliques. Allez-y vérifier la vidéo qui circule en ce moment intitulée « Les premiers hommes, c'était des Noirs ». Les premiers hommes dans la Bible étaient des Noirs. Donc, M. Louis II nous dit que lui, il a traduit ça d'après les textes hébreux et grecs, mais que, faut-il vous rappeler qu'il est docteur en théologie. Mais lui, il a traduit cette édition-là. Pourquoi? Parce que cette édition avait été revue et corrigée. Oui, même les Juifs. Donc, enfin, je réponds même les Juifs pour dire que ce sont les descendants des Noirs. Donc, l'édition là que nous avons, la Bible que nous avons, elle avait été corrigée et revue. Donc, c'est juste pour vous informer que tout ce que nous allons, que nous pouvons lire dans cette Bible n'est pas à 100% correct. Mais il y a l'essentiel qui est là-dedans. Je préfère vous prévenir. Donc, avant d'en arriver donc au rite proprement parlant, parce que c'est ça qui nous intéresse tous, comment en réalité nos ancêtres priaient et comment nous, de nos jours, nous pouvons aussi prier. Voyez-vous, par rapport à ce que les ambiances que nous voyons dans les églises, et vous verrez, Jésus est très clair dessus. Nous allons donc rentrer dans la Bible en commençant par le livre de 2 Samuel. Ça, c'est David. David, qui était un roi, que vous connaissez très bien, qui était le premier roi, hein, choisi par le Dieu suprême. Donc, David, 2 Samuel chapitre 7, je ne vous oblige pas à tout savoir de Bible, mais c'est juste des références. Et pour ceux qui pourront suivre la vidéo en différé, auront le temps de vérifier ce verset que je cite. 2 Samuel chapitre 7, le verset 28 et 29a. Je vais lire le verset. « Maintenant, Seigneur, éternel Dieu, tu es Dieu, le Dieu des dieux, et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Donc, veuille bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. » C'est ces paroles qui m'intéressent. Donc, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. Et ces paroles sont vérité, pourquoi? Ben c'est pour cela que nous te demandons de bénir la maison de ton serviteur, afin que cette maison-là demeure à toujours devant toi, car c'est toi le Seigneur qui a parlé. Et pour votre information, il s'agit bel et bien ici du temple de Jérusalem qui avait été détruit en l'an 69-70 par le général Titus, général d'armée romaine. Il s'agit bien de ça dont on parle ici. Mais les mots, moi les paroles qui m'intéressent, c'est que la partie qui dit « Et tes paroles sont vérité. » Ça va nous amener à la prière. Et ces vérités qui les proclament, eh bien, le verset 29 partie A dit que « C'est toi Seigneur qui as parlé. » Donc voilà ce qui nous intéresse. Maintenant, nous allons continuer dans une autre partie là, qui va nous intéresser également. C'est le livre de Jean, chapitre Jean chapitre 4, OK? Jean chapitre 4, le verset 23 à 25. Et ici, c'est Jésus qui parle. Nous allons l'écouter un peu, qu'est-ce qu'il nous raconte. Jean chapitre 4. Là, il nous parle de comment prier. C'est Jean, c'est Jésus. Jésus donc dit dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 25, ceci. Le verset 23 dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ces gens d'adorateurs-là que Dieu demande. Pourquoi ?» Le verset 24 explique, « Parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, c'est Jésus qui parle, je n'ai pas besoin de vous interpréter ça, je crois que ça a été clair. L'heure vient où tous ceux qui vont adorer Dieu doivent l'adorer en esprit. Et ça veut dire quoi? Jésus l'explique. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans le livre de 2 Samuel, tout à l'heure, nous avons vu que parce que Dieu est un Dieu de vérité et que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà pourquoi tout initié, normalement, quand il vient vous balancer ses connaissances, j'ai toujours le souci de pouvoir vérifier ce que j'ai dit. Et là où je vous parle, je ne me suis pas préparé. Je parle selon ce que les génies me disent. Et rassurez-vous que tout ce que j'ai dit ici n'est que vérité. Je n'invente rien. Quand j'ai parlé de l'Égypte la dernière fois, il y a des gens qui se sont agités. Mais l'histoire est là. Ce n'est pas moi qui invente. Parfois, je vais puiser dans l'histoire. Mais d'autres faits, c'est simplement l'Esprit de Dieu qui parle. Donc, nous avons retenu ici que quand vous priez, vous devez prier en esprit et en vérité. Ceux qui vont dans les églises, oh, écoutez bien. C'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas moi. Bon, là je parle de la prière classique. Parce que la plupart des gens qui me suivent, c'est des religieux. Et j'en suis fier. Que vous soyez du PDG, vous soyez de Ping ou qui, tout le monde. C'est pour ça que je dis ici, là je ne parle pas politique. Ici c'est spiritualité. J'ai des amis du PDG qui me suivent. Il y a même des ministres qui me suivent. Donc, ici, il s'agit bien de votre spiritualité, de l'éveil de votre conscience. Merci beaucoup. Alors, Jésus dit quoi? Que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et écoutons encore l'autre avertissement que Jésus nous donne. C'est, je crois, le livre de Matthieu. Pas avertissement. Il nous donne des instructions, en fait, comment prier. Ça, c'est la première condition. Jésus a dit qu'il faut prier en esprit et en vérité. Bon. Écoutons encore ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, je crois, le verset, quel verset? Matthieu chapitre 6, le verset 6 à 7, mais disons le verset 5 à 6, voici ce que Jésus dit. Je vous en prie, pardonnez-moi, je vous amène encore ici dans la définition de la prière classique, selon les religieux, avant de vous amener comment nos ancêtres priaient. Alors Jésus dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, à faire du bruit dans les coins de rue et être vus des hommes. Moi, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et Jésus ajoute au verset 6, « Mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te rendra bel et bien la réponse. » Bon, je crois qu'ici, ça ne mérite pas trop de commentaires, mais simplement pour appeler à nos amis folkloriques, c'est-à-dire ceux qui sont dans des églises où les gens prient à haute voix, à faire du bruit, à crier dans les coins de la rue, je ne sais quoi. OK? Donc, je vous en prie, je ne vous juge point, mais Jésus est clair. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme ceux qui aiment se faire voir à crier dans les coins de la rue ou encore à crier dans les églises. À l'époque, c'était les synagogues. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne vous reconnaissez pas de ces frères et sœurs qui crient dans les églises comme des fous? Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas, mes chers frères? Donc, Jésus dit bien que ce n'est pas cette méthode-là. Ce n'est pas cette méthode-là que lui veut que les gens prient. Il a dit que la méthode que lui, il aimerait que vous appliquiez est la suivante. Tu rentres dans ta chambre. Et ici, il s'agit de deux chambres. Il y a la vraie chambre physique, certes. Tu fermes ta porte. Et puis, dans le secret, Dieu t'entend. Priez dans le secret. Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'à 25, Jésus a dit quoi? Prions en esprit et en vérité. Je n'ai pas de commentaire parce que je ne veux pas créer des scandales ici. Quand Jésus dit qu'il faut prier en esprit et en vérité, quand Jésus dit que quand toi tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte là. Est-ce qu'il a dit ici là qu'il faut crier le Alléluia, faire des prises de judo aux gens? Est-ce qu'il a dit ici là qu'il y a jour et nuit, allons-y dans les veillées de prière, crier machin? Il ne l'a pas dit du tout, s'il vous plaît. L'église ancienne orthodoxe respecte ces paroles-là. Je répète, l'église orthodoxe, vous qui êtes en France, ça existe. C'est des églises très rares, il y a peut-être seulement 4 ou 5 dans toute la France. Voilà la vraie église orthodoxe qui respecte les consignes de Jésus-Christ. Quand on rentre dans une église, ce n'est pas pour aller faire du chambourage. Ce n'est pas pour aller crier comme des fous. Ce n'est pas pour aller taper, chercher à taper des prises de judo à quelqu'un. Non, il s'agit de rentrer dans ta chambre secrète. Et là, je parle maintenant de la deuxième chambre. La deuxième chambre secrète, en tant qu'initié, je vous informe. Lorsque vous priez, Jésus a dit vous priez en esprit et en vérité. Donc, la chambre secrète dont parle Jésus ici, c'est prier Dieu en esprit. Quand on prie Dieu en esprit, ça veut dire quoi? Zambakana. C'est prier Dieu dans le silence. C'est prier Dieu du fond de son cœur. C'est faire voilà, la méditation. C'est cette prière qu'on appelle la prière méditative. Mais l'apôtre Paul ne se contredit pas, mon Dieu. Il dit lui-même ceci, que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes, mais que vous, vous êtes le temple de Dieu. Et étant le temple de Dieu, c'est dans le silence absolu, c'est dans la méditation, déclare Josué chapitre 1, le verset 8, que cette parole, qu'est la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Et agis conformément selon ce qui est écrit. Et ainsi, en suivant ce qui est écrit, ta vie va changer. Ta vie deviendra meilleure. Laissons, allons-y lire ça. Parce que vous avez dit que c'est encore Moréon ou bien qui invente les choses. J'ai toujours le souci de dire la vérité, rien que la vérité. Josué. Josué chapitre 1, après le livre de Deutéronome. Il nous dit quoi? Que ce livre, c'est pas moi qui dis, que ce livre de la loi ou encore la Bible ne se loigne point de ta bouche. Médite-le, donc médite sur cette Bible-là, nuit et jour, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu vas avoir du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est tout. Donc, la prière dont déclarent les prophètes, dont déclare Jésus, c'est une prière où il faut prier en esprit et en vérité. Donc les prières classiques, ce sont des prières, il faut prier en esprit et en vérité. Allez-y chez les musulmans, là je leur donne crédit. Quand le musulman prie, à chaque fois il prie, il cite les sourates. Alhamdulillah, il cite les sourates. Il va commencer avec la sourate de la clé, Al-Fatiha. Ainsi de suite. Il commence toujours cela. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit la Bible. Il faut prier Dieu en esprit. Donc quand vous prêtez votre prière, prier en esprit veut dire ça doit être dans votre temple. C'est une prière méditative. Prier en vérité veut dire que lorsque vous priez, vous devez dire ce que lui-même Nzambakana dit dans la Bible. C'est tout. Il est écrit quelque part que appelez-moi et je vous répondrai. Il est écrit quelque part que toute arme forgée contre moi par mes ennemis ne réussiront point, mais retourneront vers l'envoyeur. Il est écrit quelque part que j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni voir sa descendance commander du pain. Alors papa, je n'ai pas eu le boulot, je n'ai pas mangé depuis ce matin, mais je sais qu'avant que le soleil ne se couche, tu vas me donner à manger. Parce que tu ne peux pas mentir. Voilà prier en vérité, c'est de faire des déclarations qui sortent de la parole sainte, pas nécessairement aller crier, c'est de proclamer ces vérités, c'est de faire ses oraisons, voilà, il y a quelqu'un qui a utilisé le mot oraison, c'est donner des vérités qui sortent de la parole sainte, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, c'est de proclamer ces vérités-là, et de les reconnaître comme des vérités vraies, venant de Nzamba Kana lui-même, le Dieu suprême, et il ne peut point se contredire. Parce qu'il dit dans le psaume 91 que l'Éternel est mon refuge. Et qu'aucun sorcier, et qu'aucune attaque sorcière, aucune arme de l'ennemi ne pourra rentrer dans ma maison. C'est toi-même qui le déclare. Donc, c'est autant des exemples, voilà, qui montrent qu'il faut prier Dieu en vérité. Donc, je répète, prier Dieu en esprit, c'est la prière méditative. Donc, simplement rentrer dans son temple intérieur. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que sont ces églises-là qui crient? Ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Parce que Jésus dit dans le verset 5 de Matthieu chapitre 6 que vous n'avez pas à prier comme ceux qui aiment se faire voir. Vous n'avez pas besoin de crier. Est-ce que Dieu a besoin de que vous criez? Qui a besoin d'entendre ton business? Vous entendez les gens qui crient à côté de toi, oh yo, je veux que mon fils, oh, il fasse ceci, oh, oh yo, je veux que mon mari ne me quitte pas, oh, oh yo. Mais vous allez crier, les gens entendent vos propres confidences à l'église. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Non. C'est de la dépravation simplement, chers frères et sœurs. Donc, allons-y à l'autre verset encore. Jésus nous parle toujours dans le Matthieu chapitre 6. Cette fois-ci, il a donné des mises en garde, en fait, la position à tenir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-moi, nous sommes dans les prières classiques. Avant de rentrer, de finir le sujet sur normalement comment nous devons prier. Donc, Jésus dans Matthieu chapitre 6, le verset 5 à 6, il nous a donné la conduite à tenir. Il faut éviter d'être dans les milieux où il y a le bruit, hein, et toutes ces histoires-là. Hein. Mais rentre dans ta chambre. Bon, maintenant, quand tu rentres dans ta chambre, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Bon, voilà, il dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais pardonne, mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà la prière exemplaire que Jésus a montrée. Alors, notez bien. Notre Père, ça veut dire quoi? Quand vous priez, vous ne devez pas dire moi. Donc, il faut prier pour les autres. Ce n'est pas prier pour vous-même. Si vous voulez que votre prière soit entendue. Là, je m'adresse aux chrétiens. Ok? Même si vous manquez le travail. Ne vous souciez pas, n'allez pas vous mettre à genoux au Seigneur, oh yo, donne-moi le travail. Oh, non, oubliez ça. Allez-y prier pour quelqu'un d'autre qui cherche le travail. Allez-y prier pour quelqu'un d'autre qui est malade. Et le Seigneur en retour, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et vous serez, vos prières qui vont être exaucées sur la personne pour qui vous priez, mais c'est tout à fait normal. C'est la loi de correspondance. La loi de correspondance va s'appliquer à vous-même. Donc n'ayez pas le souci de prier pour vous-même. C'est une grave erreur. Je m'adresse aux chrétiens. Les musulmans, ils connaissent ça. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. À éviter de vous fatiguer, de vous casser la gueule pour demander des choses pour vous-même. Et puis vous vous demandez pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières. Voilà, vous avez une réponse. Dieu ne peut pas répondre à vos prières. Vous comprenez? Dieu, pour répondre à certains qui me disent, mais non, moi je prie tout le temps, mais rien, Dieu n'écoute pas. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que vous respectez la procédure? Est-ce que vos pasteurs qui viennent vous faire des prises de judo, qui vous demande les dîmes et les offrandes spéciales, est-ce que ces pasteurs-là vous enseignent vraiment comment il faut bien prier? Et je vous dirai non, ils ne le feront pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur de vous perdre. C'est parce qu'ils savent que si vous connaissez désormais la technique de la prière, il n'y aura plus quelqu'un qui ira à l'église. Parce que vous aurez compris le secret de comment rentrer en communion avec Nzamba Kana, de comment rentrer en communion avec le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Et si vous le savez maintenant, vous n'aurez plus à crier, aller vers le pasteur et dire au pasteur que « Pasteur, priez pour moi ». Voilà pourquoi ils ne veulent pas vous enseigner la vraie méthode de la prière. C'est ça la vérité pure et simple. Donc, continuons. Ce n'est pas encore fini. Le psaume numéro 27. Le psaume numéro 27 nous dit quoi? Psaume numéro 27, le verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Le verset 4 jusqu'à 14. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, mais je sais qu'il me répondra. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire, pour admirer son temple, pour que je reste la jour et nuit rien que l'adorer. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera d'un rocher. Et ma tête, et déjà ma tête s'élèvera sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai toujours des sacrifices dans la maison de l'Éternel, en son lieu. Et je lui adresserai toujours des trompettes. Je chanterai des trompettes. Et je lui adresserai toujours mon gombi. Je vais lui adresser des chansons à travers mon gombi et ma sitar. Oui, j'offrirai des choses de bémachin. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, mon Dieu, écoute ma voix. Je t'invoque. Mon cœur dit, continue à chercher la face de l'Éternel. Je cherche la face de l'Éternel. Je peux continuer à plusieurs versets, s'il vous plaît. Le verset, même, chapitre 37, et je vais vous dire pourquoi je lis ces versets-là. Le chapitre 37, le verset 7 à 8, nous dit quoi? Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence. Voyez-vous? On n'a pas dit qu'il faut aller crier. On n'a pas dit qu'il faut dire Alléluia, Alléluia. Non. La parole dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit vite dans sa vie, contre l'homme qui vient faire, qui réussit vite, voit le succès. Ou bien quelqu'un qui t'allait commander son mamie Wata ou qui a les portefeuilles magiques. Ne l'en veux même pas, garde ton calme. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite point. Hein? Les misérables un jour, ceux qui soi-disant sont malheureux aujourd'hui, ce sont eux qui vivront éternellement sur cette terre. Tous ceux qui sont méchants seront en débarrassés. Continuons. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Parce que tu ne sais pas où ce méchant gagne sa richesse. Parce que tu ne sais pas où ce mec-là peut-être se fait péder pour avoir ton argent. C'est moi qui ajoute, bien sûr. Maintenant, le verset 25 nous dit quoi? J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste être abandonné, déclare le psalmiste. Donc, je peux vous donner une longue liste. Elle va être trop longue. Hein? Ça va être trop long. L'Éternel aime la justice. Blablabla. Bref. Allez-y, lisez chez vous le psaume 107, le psaume 113, le psaume 116, surtout le psaume 119. Le psaume 119 a plus de 175 versets. C'est le psaume le plus long. Et malheureusement, ils ont volé le psaume numéro 151. Ça, c'est le psaume vraiment pratique, le plus puissant. Tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Alors, ce chapitre que je viens de vous faire lire là, c'est pour vous dire quoi? Que vous avez constaté dans tout ce qui est dit ici-là, on n'a pas dit ici-là que, oh, Seigneur, oh, donne-moi l'argent, oh, Seigneur, oh, donne-moi à manger. Non, ils ne font que déclarer des vertus de Dieu, louer l'Éternel, faites ceci, cela, gardez le silence devant lui, vous n'avez pas à paniquer, hein? Continuez, il ne faut pas vous énerver n'importe comment, parce que le Seigneur est toujours là, même si vous êtes fauché, il va vous donner. Donc, ça veut dire quoi en fait? Le psalmiste ici veut dire par là que, arrêtez. Bon, bref, allons-y, la Bible donne la réponse. C'est dans Matthieu chapitre 6. Toujours le chapitre 6, le verset 33. Voilà ce que Jésus dit au verset 33. Je vous donne la réponse. Pourquoi on nous dit qu'il faut d'abord glorifier Dieu, il faut le louer, au lieu de se soucier que donne-moi. Pourquoi? Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'autres versions disent que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis toutes les autres choses-là vont vous être ajoutées. Voilà ce que ça veut dire simplement. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut nous dire par rapport à la prière? Ça veut nous dire ici que lorsque vous vous mettez à prier Dieu, individuellement, vous, moi, Marion Ouvier, vous qui me suivez individuellement lorsque vous priez, arrêtez de vous concentrer sur vos besoins à vous. Il faut plutôt prier pour les autres. Ne vous souciez pas pour vous. Ok? Parce que quand vous voyez bien ce que Jésus vient de dire, hein? Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Bon, allons-y, cherchez le royaume des cieux. Allons-y dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 8. Hein? Proverbes chapitre 1, le verset 8. Il nous dit quoi? Pardonnez-moi, oh, c'est trop dans la définition de la prière classique. Je vous balade un peu trop dans la Bible, mais beaucoup de gens qui me suivent sont des chrétiens parce qu'après, ils sont ceux qui me critiquaient ici-là. Oh non, tu es diabolique. Voilà, il faut appliquer ce que la Bible dit. Que de venir m'appeler ici diabolique. Voilà ce que la Bible, votre propre Bible, enfin notre Bible que nous lisons, dit. Nous dit quoi? Proverbes chapitre 1. Commençons par le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de toute science sur la terre. Hein? Est-ce qu'on a dit ici-là que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement seulement de la religion, ou bien c'est le commencement de connaître qui est Jésus? Non! La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de toute science. Développez vous-même comme vous voulez. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le verset 8 dit, écoute bien mon fils, l'instruction de ton père, oh, il faut écouter ça. Et il ne faut pas aussi rejeter les enseignements des mamans. Parce que c'est une couronne de grâce pour ta vie et une parure pour ton cou. Et quelque part il est dit, quand tu vas honorer ton père et ta mère, et alors tu vivras longtemps. Quel est le point que je vais faire par ici? Il est clair. Quand on vous dit que prier, c'est de plusieurs manières. La meilleure prière, vous voulez que je sois plus clair en tant qu'initié. Pour vous, moi je m'adresse là aux chrétiens. La meilleure prière pour vous, au lieu de vous soucier à demander des choses à gauche, à droite, ceci, cela, voilà, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça, c'est le livre de Proverbes, chapitre 1. Vous lirez du verset 7 là jusqu'au verset 8. Si vous voulez même lisez jusqu'au... Surtout le chapitre 4 de Proverbes, oh mon Dieu. Mais le livre de Proverbes, je vous dirai le premier chapitre, le quatrième jusqu'au dixième là. C'est des conseils pratiques de la vie. Si vous appliquez ça dans votre vie, vous n'avez plus besoin de prier. Vous allez prier, vous cherchez quoi? En d'autres termes, si vous mettez en application les principes immuables de notre Dieu, Nzambakana, gardez le silence, oh, bon, je ne vous demande pas trop de le faire. Bon, évitez de mettre le nez dans les affaires des autres. Appliquez quand même les choses dans votre vie tranquillement. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'aller crier Alléluia à gauche, à droite. Mettez en pratique ce que je vous dis. Vous restez chez vous, vous adorez votre Dieu, ou vous formez des groupes, ou bien vous prenez des téléconférences à travers le téléphone. Hein? Vous commencez à appliquer. Quand nous allons rentrer dans l'application, là, vous allez commencer à appliquer cette méthode de prière, là, même à travers le téléphone, vous priez en conférence. Vous allez voir comment les miracles vont se produire dans votre vie. Vous-même, vous venez d'affirmer, vous-même venez de le confirmer, non? L'apôtre Paul dit quoi? Que nous sommes le temple de l'Éternel Dieu. Et que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne prenez pas vraiment en faux ce que j'ai dit. Il est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent. Oui, l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, recommande même de s'exhorter les uns les autres. C'est-à-dire, c'est là où vous vous retrouvez dans ces bâtiments-là, c'est juste pour vous encourager les uns les autres. Mais ce n'est pas là-bas où Dieu habite. En réalité, Dieu habite en tout un chacun de vous. C'est pour cela que Jésus l'a dit. Que l'Église universelle, c'est qui? L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Dieu. Ils forment l'Église universelle. Moi, votre humble serviteur, j'appartiens à la loge universelle. J'ai confessé ça plusieurs fois. J'ai été maçon, j'ai été ceci, à gauche, à droite, c'est pour cela. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent suivre mes enseignements. Parce que j'ai dit la vérité que j'étais dans ces milieux-là. Mais ils m'ont amené quoi? Et quand j'ai mangé mon bois sacré, le bois sacré m'a révélé que mon petit, toi-même, tu as vu ta vie. Alors maintenant, il est grand temps que tu passes tes connaissances aux autres. Pour qu'ils puissent maintenant faire l'application de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Ce qui est bon, ils vont garder et ils vont évoluer dans leur vie. Ce qui est mauvais, là, ils rejettent. Et rassurez-vous que tout ce que je viens vous dire, si je fais l'effort, je médite des heures et des heures avant de venir vous parler quoi que ce soit. Je médite sur le sujet et les génies m'inspirent. Alors, j'ai donné la conclusion dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc arrêtez-moi ces histoires, vous allez vous casser la tête. Voilà pourquoi vous demandez, quand vous priez, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Simplement parce que vous avez tendance à vous extérioriser. Extérioriser veut dire, oh yo, papa, oh, j'ai besoin de ceci, oh, mais ça c'est de l'égoïsme. Faites la prière méditative. Observez les lois de la pratique au quotidien. Proverbe chapitre 1. On nous a dit quoi? Chapitre 1, le verset 8. Hein? Qu'il n'y a pas une science plus forte que la crainte de l'Éternel. C'est le commencement. Revenons dessus. Hein? Nous l'avons lu là tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous étions ensemble. Proverbe chapitre 1. Hein? On nous a dit quoi? Chapitre 1, le verset... Voilà. Non, ça, c'est le chapitre 4. Non, je vous dis, du premier chapitre jusqu'au chapitre 6, vous serez émerveillés. La crainte de l'Éternel est le commencement de toute science. C'est tout. La crainte de l'Éternel. Bon, ça ne veut pas dire, si là qu'on parle de crainte, là, c'est le craindre comme un fou. Oh yo, je peux. Non, la crainte de l'Éternel veut dire simplement application des principes universels. Hein? Voilà, tu sais que ce type est marié, il faut le laisser tranquille. Tu sais que cette femme-là, elle est mariée, laisse-la tranquille. Voilà les principes de la vie. C'est clair. Non, c'est pas grave, Bertil. C'est pas grave. Je n'ai pas encore trop parti dans la pratique même d'un machin. Donc, l'applicabilité des principes de la vie, c'est celle-là. Je vous ai recommandé de lire le psaume numéro 160, le numéro 119. Il y en a 176 versets. C'est le psaume le plus long de la Bible. Je voulais dire que c'est même le chapitre le plus long de toute la Bible. Vous lisez de Genèse jusqu'à la machin. C'est ce chapitre-là. Retenez ça pour vous. Et je vous conseillerais de méditer sur le psaume numéro 119, le verset 105. Que la parole d'Éternel est une lampe pour mon pied, une lumière pour mon chemin. Et méditez sur ça. Josué chapitre 1, verset 8. Oh, je vous ai fait lire ça, non? Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. On n'a pas dit prie-le. Non. Le premier mot pour tout croyant. Et c'est ça, malheureusement, l'erreur que la plupart de ces mecs-là font. Vous partez dans ces églises, on vous dit, oh, yo, la méditation, c'est diabolique. Qui vous a dit que c'est diabolique? Si c'était diabolique, pourquoi la première phrase que la Bible recommande à tout chrétien, ça commence par le mot médite? Si c'était diabolique. Voyez-vous, il y a de l'amalgame. Quand quelqu'un dit, moi, je fais ma méditation, oh, yo, c'est diabolique. Qui vous a dit ça? Allez-y lire le livre de Timothée. Allez-y lire le livre de Tite. Tite, c'est l'ancien qu'on avait donné des instructions. Vous vous rappelez, là, même, la vidéo même a fait vraiment du boom, là, la télé, sur YouTube. Là, on dit que voilà un bouddhiste qui demande à Dieu de punir Ali. Là, je parle de quoi? C'est le comportement, normalement, que tout homme qui est du côté de Dieu doit afficher vis-à-vis des gouvernements. C'est-à-dire, ça parle de, comment dirais-je, la différence entre... Ouais, je parlais de M. Mitumbo, vous rappelez-vous de cette affaire-là. Voilà, c'est là où j'avais mis tout mon accent sur le livre de Tite. Et Tite, effectivement, c'était un ancien dont Paul avait donné la confiance de pouvoir établir des églises, ok, dans toute la contrée. Donc, le premier mot que Paul lui a donné, il lui a dit, médite sur ces choses-là pour faire grandir l'église. Médite. Il n'a pas dit prie sur ces choses-là pour faire grandir l'église. Il n'a pas dit faut prier comme un fou pour faire grandir ces machins. Il n'a pas dit va me faire une prise de judo sur quelqu'un pour me faire grandir l'église. Non, il a dit médite. Donc il en est de même du livre de Josué qu'on vient de lire là. Médite sur cette parole et agis conformément et fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que quand tu vas appliquer ce qui est écrit, alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors tu auras du succès. Voyez-vous? Donc la prière méditative, c'est celle-là qui vous amène le succès dans votre vie. La prière méditative consiste pour vous de proclamer les vertus et les qualités du Dieu suprême, Zambakana. C'est de reconnaître en lui toute la grandeur. C'est de lui donner la grandeur, lui adresser les honneurs, la gloire et tout cela. C'est pas moi qui le dis, on l'a lu tout à l'heure. Ah oui, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous ai dit que les pasteurs ne vont jamais enseigner à leurs disciples ou encore aux membres de leur église comment prier. Parce que je vous dis que si le pasteur vous enseigne comment prier là, ou bien comme votre humble serviteur est en train de vous le dire, vous allez encore chercher quoi à l'église? C'est fini. La preuve en est que beaucoup d'entre vous, vous venez là, vous me suivez. Depuis qu'on a commencé, beaucoup d'entre vous, les yeux commencent à s'ouvrir. Moi-même, je vous l'ai dit, j'étais pasteur, j'étais témoin de Jéhovah, je connais toute cette Bible-là, j'ai vécu dans ce milieu-là. Il y a certains qui m'invitent, il y a des moments, ça ne me dérange pas, je pars. Mais je vous dis la vérité, beaucoup préfèrent vous embrigader dans l'ignorance. Et quand je leur parle de 1 Timothée chapitre 5, verset 21, eux, ils s'énervent. Je dis, mais non, mais c'est ça la vérité. Il faut dire aux pauvres gens que vous amenez dans les églises, là. C'est ce que dit Paul, c'est Paul le fondateur de l'église, non? Hein? C'est lui qui a fondé l'église chrétienne. Hein? Avant que cette affaire de conseil de 325 a vu le jour, là-bas, chose là, Alexandrie. C'est bien Paul. Il a créé son église sur le fondement de Yahshua, Jésus-Christ, Jésus le Christ. Bon, nous n'allons plus trop parler des Bibles, les mêmes histoires comme ça, c'est pour nous distraire. Enfin, je n'ai pas dit que la Bible nous distrait, mais c'est pour vous dire que malheureusement, il y a un déphasage entre ce qui est écrit. Voilà, mon frère, merci beaucoup, merci. Tout ça, c'est des égarés. Il y a un déphasage entre ce qui est écrit dans la Bible et ce que les religieux sont en train d'enseigner. C'est du dogmatisme. Voilà, c'est le terme. Dogmatisme, fanatisme, embrigadé dans des doctrines contradictoires, amenant l'homme à la perdition de son âme et de l'éloignement de la lumière de Nzambakana, le véritable royaume qui est non seulement représenté en soi à travers un temple singulier, et ce temple singulier ou individuel. C'est pour cela que je passe toujours par mes enseignements en disant, l'homme a besoin de passer par trois étapes. La première étape consiste pour lui de se désindividualiser. Or, cette désindividualisation passe par quoi? Non pas forcément par des rites ou des ascètes, des ascèses de renonciation ou des abracadabras, de vous priver de la bouffe, de vous priver du sexe. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit par une prise de conscience individuelle. Laquelle prise de conscience individuelle va consister pour vous de pouvoir vous initier. Non pas forcément en mangeant d'abord le bois sacré, mais à travers des connaissances qui sont livrées comme je le fais ici, en lisant. Est-ce que la Bible est véritablement la parole de Dieu? Florent, toi tu me poses une question trop compliquée là. La question, elle sera oui et non. Tu me suis depuis, Florent, toi aussi, depuis que je parle de cette affaire-là. Tu me suis depuis. Vous suivez la vidéo là? Où je dis que, comment dirais-je, l'affaire qui s'est passée avec ce bande de voyous là, Ptolémée Sauter là, en 305, vous savez ce qu'il a fait? Et en 310, et en 325, le conseil de Nicée qui s'est passé? Hein? Vous voulez que je vous répète encore la même histoire? La Bible composée de plus de 107 livres se retrouve avec 66 seulement. Vous comprenez? Est-ce que là maintenant on va dire que c'est vraiment la vraie Bible qui est encore la parole de Dieu complète? Bon, et la réponse elle est oui et non. Oui, bon, parce qu'ils ont seulement conservé quelques paroles là qui flattaient, qui paraissaient des poèmes et tout ça là. Par exemple, le livre des Proverbes, le livre des Cantiques des Cantiques, hein, une suite de lettres d'amour que Salomon adressait à la femme noire. Hein, et tout ça là, et ensuite les psaumes qui ne sont pas mauvais. Bon, la preuve, comment il s'appelle encore, Kimbangu, le vieux Kimbangu, il a aussi les psaumes avec lui. Et quand vous lisez les psaumes de Kimbangu, elles sont encore beaucoup plus machin. Et le fameux, même sur ces psaumes là, il y a un psaume qui manque, le psaume 151, voyez-vous, qui était un psaume très puissant. Et les livres de Moïse, il y en avait 10, je vous ai toujours dit ça, il manque 5. Je réponds à la question que Flo vient de me demander, là, est-ce qu'il y a encore cette Bible-là, vraiment, elle est la parole de Dieu? J'ai dit oui et non. Oui, parce que, bon, il y a quelques essentiels qui sont restés. Non, mais parce que les plus puissants, ce qui permettait l'homme d'atteindre la mystique chrétienne et d'avoir une meilleure application, pour ne pas dire communier encore mieux avec le Dieu suprême, telle que l'initiation que Moïse a reçue auprès de son parent, là. Monsieur Jéthro, le papa de Zéphora, sa femme. Lequel j'ai trop été initié en Mésopotamie chez le vieux grand prêtre par excellence appelé Melchisedec, le plus grand prêtre noir, qui, voyez-vous, même s'il n'est pas long ce psaume-là, maman, mais il y a des clés secrètes. Je ne sais pas si quelle version toi tu as, parce que moi, la version que j'ai, il y en a plus de 35 versets. Mais je vous dis, les 35 versets de ce psaume 151, ça peut vous faire marcher sur les eaux. D'ailleurs, il y a une question sur ça. Comment est-ce que la lévitation existe? Est-ce que marcher sur l'eau existe? Ah oui, le psaume 151 peut vous permettre de le faire. Le psaume 40, ça vous donne la voyance. Mais quand je lis le psaume original et que je comprends avec ce qui est traduit ici, mais c'est de n'importe quoi. Donc la réponse, elle est oui et non. Je vous réponds en tant qu'initié. Oui, dans la magie copte. Dans la magie copte, vous appelez ça magie copte. Moi, j'appelle ça l'église orthodoxe. Parce que l'église orthodoxe, en effet, bon, par confusion, les gens ils pensent que ce qu'ils font, c'est de la magie copte. Mais en réalité, c'est la magie, bon, dans le sens non pas péjoratif, j'espère. Parce que la magie, une fois de plus, vient du mot magia en grec, mardom en araméen, et encore quoi là. Magie vient de magia, mardom, mardim, hébreu et araméen et grec, qui veut dire excellence, prêtrise et maîtrise des lois de l'univers pour le bien de l'humanité. Toutes ces lois, vous les maîtrisez, enfin, vous les appliquez dans la vie, vous devenez un opérateur ou un représentant des dieux sur terre, c'est-à-dire l'intermédiaire entre les dieux. Moi, j'aime utiliser les dieux, les Elohim, et d'ailleurs la Bible, c'est ce qu'elle dit. Et les dieux dirent, et Dieu dit, empêchons l'homme, parlant de Genèse chapitre 3 verset 22, oh maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous là maintenant, oh empêchons-le d'aller toucher à l'arbre de vie, donc les Elohim, donc les dieux, donc moi je suis tout initié ou maître qui maîtrise bien la connaissance universelle, pas pour raconter n'importe quoi ou bien qui va aller étudier un livre que quelqu'un d'autre a écrit, que parfois il ne comprend pas, mais c'est une connaissance expérimentée, soi-même transcendantale, c'est-à-dire que cette connaissance vous a transcendé et elle vous a donné la révélation qui vous êtes et qui est Dieu et qui sont les dieux. Donc par rapport à cela, je dirais oui, que l'homme est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Donc oui, c'est ça, la magie copte dans ce sens-là, oui, je dirais oui. C'est-à-dire que c'est l'Église orthodoxe encore qui maintient la véritable connaissance, la véritable Bible originelle. Merci beaucoup, parce qu'eux, ils ont les fameux livres qu'on appelle les Maccabées, que la décision de 325 l'avait rejeté. Je ne sais pas par quelle chance ils ont eu ça. Parce que normalement, ces Bibles-là sont conservées au 7e sous-sol du Vatican. Ah oui, aujourd'hui, la vérité ne se cache plus. Et quels sont ces livres-là? Je vous ai parlé de ça. Bon, évitons, on avance là. Alors, en un mot, la prière. La prière, certes, c'est un acte d'adoration, mais c'est aussi être. Prier, c'est penser. Prier, c'est être. Prier, c'est être. C'est exprimer son être-té avec l'univers. En d'autres termes, cette communion que vous créez entre vous et l'au-delà, entre vous et les forces cosmiques, entre vous et les dieux, entre vous et Nzamba Kana, le Dieu suprême, quel que soit le nom que vous donnez, cette communion que vous créez déjà, c'est une prière. Voilà pourquoi je dis que tout initié, il n'a même pas besoin de prier. Il suffit que je ferme mes yeux. Dans ma méditation, je suis déjà en prière méditative. Et dans cet état de prière méditative, tout ce que je veux, tout ce que je pense, je l'obtiens. Et là, les gens, par erreur, vont dire, « Oh, c'est un magicien. Quel magicien? Magicien, c'est quoi ?» Mais magicien, si vous voulez, c'est un homme ou une femme qui maîtrise les lois de la nature en vue de les mettre à son avantage ou à l'avantage des autres pour le bien ou le mal. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais les gens voient le mot magie comme, « Oh, c'est un sorcier. Quel sorcier ?» Et même le mot sorcier a été malencontreusement défini. Le mot ganga, je vous l'ai dit, moi, je suis un ganga qui signifie prêtre ou guérisseur à base de plantes, de la magie verte. C'est simple. Maintenant, là-bas, Patoga, oh, yo, il est ganga, oh, yo, il est sorcier. Donc, tout a été de manière préjorative dans toutes les sociétés africaines. Alors, la prière, tout initié doit comprendre que prier, c'est être. Prier, c'est méditer. Prier, c'est exprimer son existence. Prier, en fait, c'est une fois de plus exprimer une fois de plus sa vérité. Ça veut dire que vous êtes dans le vrai. Hein? Vous êtes dans le vrai. Quand je vois des frères musulmans qui me contactent, ils me disent, « Ah, Abdurzak, ça c'est le nom musulman. Ah, j'ai tel problème là, aide-moi un peu. » Je rentre en profondeur dans le soufisme. Et le soufisme, c'est quoi? Le soufisme, c'est simplement l'application magique des sourates du Coran. C'est-à-dire, c'est la voie mystique de l'islam. À travers l'alphabet arabe, donc j'ai des lettres que je combine, des lettres que je vais formuler, ou à travers les 99 noms d'Allah, parce qu'il y avait 100, mais malheureusement, il y a un nom qui a été ôté à cause de l'imperfection de l'homme. Donc, tout musulman qui maîtrise le soufisme connaît ces principes. On appelle le principe des 99 noms d'Allah. 9-9, les 99 noms d'Allah. Alors, quand vous maîtrisez bien ces connaissances, ça vous permet d'opérer des guérisons auprès des frères musulmans. Vous n'avez pas besoin d'être un grand musulman pratiquant. Certes, je connais les sourates, je connais les salates, donc les 5 prières quotidiennes du musulman. Et ça nous amènera tout à l'heure comment, en fait, nos ancêtres priaient et pourquoi les musulmans, leurs prières sont très efficaces. Je vais vous dire pourquoi. Ils ont pris ces prières-là quelque part. Et j'ai découvert le vieux document qui date de plus de 12 000 ans. Bon, c'est récemment là qu'ils ont fait une peinture qui date de l'an 725. J'ai cette peinture qui nous montre comment Abraham priait, comment Moïse priait dans le désert. Et c'est la même prière typique que nos frères musulmans utilisent. Et je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Donc, disais-je, conformément aux instructions de Yahshua, la prière aujourd'hui, elle est complètement hors commun. Pourtant, le même Yahshua, le Jésus que les chrétiens suivent, dit bien dans Matthieu chapitre 6, verset 5, non, il ne faut pas prier comme vous faites. On le voit là, comment on appelle ça, dans les églises, en train de crier comme des fous. Mais ce n'est pas normal. C'est quoi cette affaire-là? Ils sont en train de crier, alors que pourtant la Bible qu'ils lisent, qui porte tous les jours, je m'en vais à l'église, la même Bible dit bien que non, il ne faut pas crier. Mais voilà. Donc allez-y savoir. Donc, mes frères, c'est bizarre. Hein? Et après, c'est nous qu'on appelle les diaboliques. Mais allez-y savoir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que ces pasteurs-là, finalement, ce sont ceux qui sont des démoniaques? Parce qu'on ne comprend plus là. On voit des pasteurs qui marchent sur les corps des gens. On voit des pasteurs qui frappent des techniques de karaté. Ce n'est pas moi qui invente, c'est sur Facebook. On les pasteurs maintenant qui guérissent à travers les techniques d'Ondombolo. Mais c'est quoi cette affaire? Ça devient folklore. Est-ce que vous êtes de ceux qui voulaient éveiller votre conscience spirituelle? Est-ce que vous êtes de ceux qui voulaient réellement prier Nzamba Kana, être en communion avec lui pour obtenir le bonheur pour les autres et pour vous-même? Ou bien vous êtes de ceux-là qui voulaient aller faire du spectacle ou de l'Ondombolo ou aller faire des simulacres? Hein? Et en plus, ces gens-là, soi-disant qui reçoivent la guérison, deux jours après, on le voit sur les... il est encore malade. Moi, je ne comprends pas. Hein? Non, moi, vous devez guérir pour toujours. Le même Jésus lui-même, il donne l'exemple dans la Bible, n'est-ce pas? Hein? Il a trouvé le paralytique dans un coin de l'église. Souvenez-vous de l'histoire, dans le coin du temple. Jésus pose la question paralytique. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Le type lui dit, ah, mais c'est toi le Messie que j'attendais, non? Oh, mais bien sûr, oui. Et Jésus dit, ok, ta foi t'a sauvé, oh, ta foi t'a guéri. Moi, je m'en vais. C'était tout ce que Jésus a fait, mes frères. Et le paralytique, on nous dit, selon la Bible, ce paralytique s'éleva, alors que depuis la naissance, hein, plus de 40 ans d'existence, il était là que sur les pieds, là, les pieds complètement petits. Mais le type, il sentit une énergie, une force qui le pénétra, les os, et le corps, il s'est mis debout. Il a crié, oh, oh, oh, il a mené l'affaire. Et ça s'est passé un sabbat. Et ça, ça a énervé les Sanhédrins, les grands chefs religieux. Là. Vous connaissez l'histoire, c'est pas moi qui invente, c'est qui dans la Bible. Donc, Jésus a-t-il fait une prise de judo? Jésus a dit, je te guéris au nom de Yahshua, ou je te guéris au nom de Yahvé, le d'autres. Non, il n'a pas fait tout ça. Il lui a seulement posé une question, est-ce que tu crois que je peux le faire? Ah oui! Il dit, ok, ta foi t'a guéri. Voilà comment un initié fait. Tout initié, vous pouvez le faire, s'il vous plaît. Les guérisons miraculeuses, ça existe jusqu'à notre temps. Vous n'avez pas besoin. Cela vous demande d'être occupé spirituellement. Méditez. Pourquoi moi j'insiste trop sur la méditation? Vous allez me dire, oh, je suis fou. Non. Méditez, priez. Et quand je parle de prière, ce n'est pas aller crier comme des fous. Je parle de la prière selon Jean chapitre 4, le verset 23 à 25. Donc, la prière qui consiste... Voilà que quand il n'y a plus de direct. Oui, lui, il sort d'où là hein? Oh, il faut rentrer, machin. J'ai pourtant passé le communiqué. Les gens viennent encore me demander est-ce que c'est sur YouTube. Pardonnez-moi. Donc, ouah, j'ai même perdu le fil d'idée. Alors, revenons sur cette affaire de prière. Donc, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec tout le folklore que nous voyons, s'il vous plaît. Jésus a été clair et c'est lui qui a enseigné ces choses-là. Donc, il n'a pas enseigné. Il paraît que c'est normalement tous ceux qui sont chrétiens devaient suivre ce que Jésus fait. Bon, est-ce qu'ils suivent? Je ne sais pas. Donc, si vous lisez pour ceux qui sont musulmans qui me suivent, vous pouvez lire le livre de Al-Baqarah. Le livre de Al-Baqarah, c'est la sourate de la vache. Mais dans la sourate de la vache, je vous en prie, il y a plus de 100 ayats. Ayats. Les ayats, ce sont les versets. Hmm? Florema, tu me demandes qu'est-ce que je pense de la dîme. Oh, la dîme, c'est normal. Pardon, quoi? La dîme? Oh, la dîme des chrétiens, là. Ben, écoutez, moi, je suis ce que Paul a dit. Oh. Paul a dit que donner en fonction de vos moyens. Paul, c'est pas moi, c'est Paul, le fondateur. Il a dit qu'il faut donner en fonction de vos moyens. Oui, voilà, les ayats, c'est versé chez les musulmans. Donc, une dîme n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. C'est 10% de ton revenu que tu peux donner si tu veux. Tu n'es pas forcé. Mais, allez-y savoir, oh, dans nos églises, chez les blancs, je n'ai jamais vu qu'on force, mais chez les églises de nos frères africains, oh, c'est un palabre. Ils regardent ton visage. Moi, je n'invente rien, j'y vais. Et maintenant, si tu n'as rien donné, on va te sortir le livre d'Abakouk, on va te sortir un autre prophète là qui dit que oh yo, ceux qui ne donnent pas à l'église, c'est un péché parce que Dieu va vous êtes en train de tricher Dieu, vous êtes des escrocs, ceci, cela. Ils ne savent même pas le mot dîme, qu'est-ce que ça veut dire? Ou offrande, ça vient d'où? Ça a commencé comment? Est-ce que normalement une vraie église devait l'imposer? Non, la réponse est non. Voilà la réponse que je donne. La réponse est non. Allez-y à l'église orthodoxe, on ne force pas les gens. Les musulmans, vous avez vu les musulmans passer là, yo, la cagnotte, donnez. Jamais. Ou bien les témoins de Jéhovah, jamais. Mais pourquoi il n'y a que ces églises éveillées là qui font le bruit? Allez chez les catholiques, pareil. Est-ce qu'on a vu un prêtre catholique vous dire, oh yo, faut donner, si vous ne donnez pas, vous allez être puni, vous irez en enfer? Non. Donc, mon avis est clair, c'est du banditisme. C'est simplement du banditisme. Pardonnez-moi, mais c'est dommage que ce soit ça la vérité. Alors, nous allons passer à quelque chose de très intéressant. C'est maintenant passer à la pratique. Nous allons passer à la pratique, c'est-à-dire la pratique de la prière. La prière. Donc, je vous disais qu'il y a une religion aujourd'hui qui, de nos jours, fait ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Fait à peu près merci beaucoup. Nous allons donc passer à la pratique. Je vous ai informé au début que les musulmans sont les seuls qui prient comme nos ancêtres. Et je vous dis pourquoi. Observez bien, musulmans. Si parmi vous il y a des musulmans, soyez-en fiers. La prière que vous faites là, bon, moi je parle pas des mots, hein, parce que je connais tous les mots. Allahu Akbar, et puis vous levez, vous dites ce que vous voulez. Bon, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la technique, là. Le rituel. OK? Lever les mains, poser les mains, le front par terre, coucher, tirer. tête à gauche, tête à droite. C'est exactement comme ça nos ancêtres priaient. On a découvert une peinture qui date du 5e siècle, pardon, du 7e siècle. Oh là, votre mari est musulman, allez-y, voyez, observez-le comment il prie. Donc, la prière que nos amis musulmans la font là, ils l'ont prise de nos ancêtres. Paix sur lui, le prophète Mohammed. Mais il était bien informé. Parce que le tableau dont je vous parle, effectivement, date de l'année 745. Ça date de 545 ou 700 ou 545, attends, je vais confirmer. Hein? Entre le 6e ou 8e siècle. Le tableau qu'on représente Abraham et Moïse. Les mains ici et en train de prier. Et en train de... C'est un tableau qui a toutes les... qui a près de 4 phases. La phase où il a le front à terre, les pieds complètement écartés, les mains devant. Et pourquoi les gens disent que le pape aussi est musulman? Allez-y demander pourquoi. Vous verrez que quand le pape descend sur le sol d'un pays, quand il embrasse le sol du pays, il descend complètement ventre par terre, les mains là-bas. Voyez-vous? Ou encore, allez-y savoir, quand on donne l'ordonnance, enfin, quand on va ordonner un pasteur, voilà, quand il est moment d'ordonner un pasteur, demandez-moi comment ça se passe. Allez-y vérifier, moi j'étais ordonné. On fait comment? Mais c'est pareil comme les musulmans font. C'est-à-dire comme les musulmans prient. Voilà. C'est vrai, il y a les ablutions. Oui, je vais vous trouver ce verset-là. Je vais vous le trouver. Ah, voilà quelqu'un qui nous dit qu'il y a dans... Pourtant, la Bible, il y a un verset qui nous montre que Moïse faisait des ablutions. Les ablutions, c'est quoi? C'est ce que vous voyez les musulmans faire. Effectivement, nous reviendrons dessus. Donc, voici le rite que je vais partager avec vous. La prière, comme je vous ai dit, c'est une communion interne. Mais il y a la prière pour ceux qui ne sont pas initiés. Même nous, même pour ceux qui sont initiés, on peut le faire. Surtout lorsqu'on a des travaux à faire pour d'autres personnes, lorsqu'on veut prier pour d'autres personnes, ou bien lorsqu'on veut faire des travaux, c'est-à-dire lorsqu'on veut, on veut invoquer les archanges, on veut invoquer les anges, les djinns. C'est le Dieu suprême qui l'autorise. Ou bien lorsqu'on veut rentrer en communion avec lui. Il y a des rites qu'il faut faire. Les rites sont simples. C'est la même chose que je vous ai enseigné dans la pratique de la femme de nuit ou le génie de nuit ou comment vous l'appelez là. Vous vous douchez complètement. Quand vous savez que vous avez un travail spirituel à faire, vous vous douchez. Vous allez vous doucher totalement. Hein? Et quand vous avez fini de vous doucher, vous vous parfumez et vous brûlez de l'encens dans votre chambre. Vous allez prier. L'encens n'est pas diabolique. Allez-y lire le livre de Deutéronome, le livre de Lévitique, le livre de Nombres. Et même dans le Premier Testament, dans le Nouveau Testament, on parle de l'encens qui brûle dans le temple. Dans le livre de l'Apocalypse. Donc l'encens, c'est un parfum naturel qui attire les forces cosmiques, qui attire les anges. Les anges, ils aiment ça. Il y a une loi qu'on appelle la loi de correspondance. Vous pensez que vous allez faire une interview, ou bien vous partez à un rendez-vous chez une nana, ou bien chez un homme. Vous prenez une douche, vous ne vous lavez même pas bien, vous habillez n'importe comment, vous ne vous parfumez pas, vous ne savez pas que vous pouvez échouer. Vous partez, mais le type a dit, mais mon Dieu, mais il dégage, mais vous vous rendez compte? Ou bien partez faire l'interview, d'accord, on a vu votre résumé, vous avez un doctorat, ok. Alors que le mec qui s'est bien parfumé, bien cravaté, propre, la moustache bien taillée, les cheveux vraiment ras, tout, il va donner une impression sur ce type-là. Parce qu'il a fait du bon marketing. On dit bien que la première impression, c'est celle qui retient l'attention de quelqu'un. Donc, il en est de même dans le plan cosmique. Il y a ce qu'on appelle la loi de correspondance. Donc, si vous, dans le plan humain, quand vous partez quelque part, vous vous habillez convenablement, vous vous parfumez, vous êtes propre, vous vous lavez bien le visage, les pieds, le machin, vous partez propre, bien habillé, l'habit bien repassé. C'est tout à fait normal. Donc, il en est de même dans le plan spirituel. Donc, disais-je, après votre douche, ça c'est le cadre si vous étiez déjà sale, mais par contre si vous étiez déjà propre, par exemple là avant de venir vous parler, je m'étais déjà douché. Bon, maintenant là, quand je finis, une fois je me mets dans ma prière de méditation et de remerciement, il faut que je remercie Tata Nzambe pour ce qu'on a fait. Quand je vais aller là-bas, je n'ai plus besoin de prendre une grande douche, je fais les ablutions, voilà, c'est là où ça va venir. Donc je me lave mes mains, je me lave bien mes mains avec du savon, parce qu'il faut se rassurer. Donc une fois j'ai lavé mes mains avec le savon, et je relave avec de l'eau normale, et je lave mon visage, je lave ma tête, ok? Et si mes pieds étaient sales, je les lave, c'est tout à fait normal, ok? Donc, une fois j'ai fait ça, Dans votre chambre, vous pouvez avoir un petit tapis, une natte de préférence. Je préfère la natte qui est faite de la mère nature, c'est-à-dire qui est faite à base de produits de chez nous, que ce soit le Congo, le Gabon, le Cameroun. Là-bas, ils fabriquent les nattes. Ces nattes-là, je vous recommande de les avoir pour votre prière. Donc, vous avez votre natte, ok? Et puis, je crois, c'est tout. Vous avez tous les éléments réunis. Et maintenant, vous allez commencer à faire la pratique. Bon, c'est dommage que cette pratique-là, je ne vais pas la faire en live. Je préférerais que vous vous rapprochiez de ceux qui sont musulmans. Observez-les. Faites semblant d'aller apprendre auprès d'eux. Regardez la technique qu'ils font, mais pas les paroles. Je répète, regardez seulement la technique. Et quand vous aurez maîtrisé cette technique-là, je vais faire un live spécial où je ne vais pas parler du tout, où je vais demander à un opérateur ici qui va me photographier et je ferai ça en direct. Je vais faire donc toute la pratique au complet, je vous le promets. Je ferai toute la pratique au complet, du début à la fin, comment nos ancêtres priaient. Donc, je vous parle de la technique, mais pas des paroles. Ok? Parce que les paroles en question, elles sont si simples. C'est pour cela qu'il faut toujours faire face là où le soleil se lève. Les musulmans n'ont pas tort. Il faut faire face là où le soleil se lève, mais pas là où le soleil se couche. Donc, le dos doit être opposé du côté du soleil se couche. Et vous allez commencer votre prière. Donc, vous avez fait vos ablutions. Je vous ai dit, première des choses, si vous n'êtes pas douché, si vous êtes déjà douché et que c'est la fin de la journée, par exemple, bon, certains d'entre nous, il faisait froid un moment, vous avez la paresse de vous doucher, mais vous êtes douché quand même le matin. Oui, du côté est, merci. Vous lavez vos mains avec le savon et avec de l'eau, naturellement. Lavez votre visage, la tête, okay, les aisselles, ce qu'on appelle en France une demi-douche ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà, vous avez votre table, votre natte. Vous pouvez utiliser le tapis, mais je préférerais que vous utilisiez une natte. Car la natte correspond, aux éléments de la nature. La natte, elle est faite à base des éléments de la nature. C'est pour cela que j'insiste que vous preniez une natte pour faire votre rite. Ok? Donc, voilà. Ah, c'est dommage. C'est pour cela que je crois qu'il faut que je fasse maintenant des conférences. Ce serait très important. Voilà, une demi-toilette. Parce que c'est à travers la conférence que moi-même, là, en pratique, je peux me mettre devant vous et je vais prononcer les mots, les paroles, tout, et on va suivre, on va pratiquer la chose. Voilà comment nos ancêtres normalement priaient. Abraham l'a fait, Moïse l'a fait, Yahshua, Jésus l'a fait. Donc, il n'y aura pas à dire que non, c'est un truc inventé. La preuve en est que je vous le dis, c'est ce que font les musulmans là. Dans la pratique, c'est ce qu'ils font. Si on ne peut pas se mettre à genoux, peut-on prier couché? La réponse est oui. Vous pouvez prier assis, vous pouvez prier couché, et ça va vous surprendre. Même pendant que vous faites l'amour, ou avant de faire l'amour, vous pouvez prier. Ça n'a rien de malsain, ça n'a rien de machin. Au contraire, ça doit être de commun accord avec votre partenaire ou votre épouse. Oui, et d'ailleurs, quand je vais répondre à l'une des questions là, quelqu'un m'a posé une question là-bas, quand on va passer à la partie des questions, vous comprendrez que vous serez d'accord avec moi que vraiment, même pendant, avant de faire l'amour, après avoir fait l'amour, pendant que vous faites l'amour, la prière est toujours incluse. Parce que la prière, je le répète, c'est un acte magique très puissant qui donne le bénéfice pour l'un ou pour un groupe. N'oubliez pas ça. Pour un individu ou bien pour un groupe donné. C'est peut-être pour cela qu'on voit aujourd'hui, on peut prier aussi tout lieu et à tout moment. Oui, la réponse est toujours oui. Vous pouvez prier même, voyez ce monsieur qu'on appelle Saint-Patrick, l'Irlandais dont on fête la fête de Saint-Patrick. Vous avez entendu parler de cet Irlandais-là? Je vous jure que ce type-là n'était pas un prêtre ou un pasteur. Il n'était qu'un simple adorateur de Dieu. Mais comme il priait 600 fois par jour, les gens ont pris le temps de compter. Et lui-même, il notait. 600 fois par jour, il était en mesure de guérir les malades. Il était en mesure même de ressusciter. C'est peut-être pas dans les archives nationales, mais je vous dis, il discutait avec les Irlandais. Vous pensez que c'est pour rien qu'on l'a mis un saint? Voilà. Donc, vous pouvez prier comme vous voulez, autant que vous voulez. Au contraire, c'est très bon pour votre santé spirituelle. Ça va vous rapprocher beaucoup plus de Dieu. Ça va vous rapprocher beaucoup plus de vos ancêtres. Ça va vous rapprocher encore beaucoup plus. Hein? Moi, je vous dis, quand j'étais au Gabon, mais mon Dieu, tellement quand je faisais les rites de nos ancêtres là, mais je me sentais, André, je suis soulevé par eux, partout où je passais. Mais ici, à cause du froid et tout ça là, hein, vive la prière, mais il faut l'utiliser, la parole, ou prier intérieurement. Parole, ça dépend. Voilà, là je n'aime pas trop la partie où il faut prier avec la parole. Oui, il y a des séquences où on prie avec la parole. Vous m'avez suivi à l'introduction, je vous ai parlé quand l'onganga va en brousse pour prendre son bois. Il fait la prière, mais ce n'est pas la parole qui le fait. Parce qu'il faudrait que le patient qui est à côté, le malade, écoute ce qui se passe. Donc, il y a également des prières de bénédiction. Il y a également des prières de protection. Par exemple, il y a des gens qui parfois m'appellent pour aller bénir leur véhicule. Bon, c'est une tradition, hein, qui est devenue une tradition un peu partout. Il vient d'acheter le véhicule, me dit, oh, vous venez me bénir le véhicule parce que je n'aimerais pas que ce véhicule ait des accidents. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une prière. Vous partez faire la prière. Ok? Vous faites la prière. Donc, on peut prier par la parole. Je n'ai pas dit ici qu'il faut seulement prier à l'intérieur de soi. Mais la prière que la parole de Dieu condamne, pas moyen ou vient, mais la prière que la parole de Dieu condamne, c'est vous m'avez suivi ce qu'il a dit, qu'il ne faut pas vous faire voir, il ne faut pas crier. Voilà, c'est ça. La prière consiste à prier calmement. Père éternel, toi le créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui as créé l'homme à ton image pour que l'homme soit heureux. Mais à cause de l'ignorance, la religion est venue distraire l'homme. La religion que fabriqua l'homme nous a finalement éloignés de tes réalités. Donc, Seigneur, Tata Nzambe, Nzamba Kana, Nzamba Kombo, pardon, Papa Yahweh, c'est toi qui nous as créés. Donc, j'aimerais que, par la puissance de ta lumière, par la présence de tous les archanges, des chérubins et de tous les génies qui sont autour ici, puisses-tu ouvrir le cœur de tous ceux qui me suivent ici-là, pour que ceux-ci puissent vraiment avoir leur étincelle divine s'éveiller. Parce que tous, ce sont des particules de ta présence. Parce que tous, ils font partie de toi, Papa Nzambe. Ta parole déclare que tu créas l'homme à ton image. Et alors l'homme devint ta ressemblance. Donc tous ceux qui me suivent ici, ce sont tes ressemblances, Papa Nzambe. Mais ces ressemblances-là sont en train de dormir. Tes petites ressemblances qui sont en eux ou en elles sont en train de dormir. J'aimerais que tu puisses réveiller l'étincelle divine qui est en eux pour qu'ils deviennent un avec toi. Toi, le Dieu suprême, et qu'il soit éveillé dans toutes les dimensions, et qu'aucun humain, aucune force, aucun démon, aucun esprit, ou aucune religion ne vienne le distraire de cette réalité. Merci beaucoup, Papa Nzambe. Mais pour ceux qui sont chrétiens, je dirais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Naziréen, Amen. Et que les génies et tous les ancêtres qui sont autour puissent concourir à l'accomplissement et à la véracité de cette demande. Merci beaucoup, Papa Nzambe. Merci. Merci. Et que seule ta volonté soit faite, et non la nôtre. Amen. Je viens de vous donner un exemple de prière. Ok? Ça, c'est un exemple de prière que je viens de faire. Voyez-vous? Là, je parlais, j'ai utilisé le verbe. Je n'ai pas eu besoin de trop crier. Hein? Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, vous sentez que vous êtes sous l'extase. À un moment donné, vous allez sentir que vous êtes sous l'extase, que l'esprit brûle en vous, mais vous n'allez toujours pas crier comme un fou. Vous n'allez pas faire les prises de judo. Non, non, non, non, non, non. Vous allez être rempli par l'esprit. Ce qu'on appelle l'esprit, c'est. Donc, c'est important. Ok? Vous pouvez aussi prier en votre langue. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prier à travers le téléphone. Je vous dis, ça marche. Mais il faut savoir les mots. Il faut sélectionner les mots. Il y a des mots qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut... C'est pour ça que je vous ai dit au début de mon introduction. Vous voyez, on avance déjà à 1h30. Bientôt, on va atteindre 2h. Bon, on va peut-être interrompre, bientôt arrêter. C'est pour vous dire que le sujet sur la prière, c'est un sujet qui est vraiment long. Parce qu'il y a des conduites à tenir. Vous n'allez pas, par exemple, dire à Dieu de vous donner quelque chose que vous savez que vous n'aurez pas. OK? Voyez-vous? Vous n'allez pas oser demander à Dieu, « Oh Seigneur, donne-moi 1 million. » De francs CFA, ou bien donne-moi 1 million d'euros. Ça ne va pas, non? Mais des fois, Dieu peut dire niette. Parce qu'il faut être sûr de ce que vous voulez. Et n'est-il pas écrit quelque part que faites attention à ce que vous demandez? Donc, voilà. La réponse est le oui. Vous pouvez prier avec le verbe. Je viens de montrer un exemple. La prière que je viens de faire, c'est juste un exemple. Hein. Je n'étais pas préparé à faire cette prière-là, mais c'était juste un exemple. Mais la prière la plus efficace, quand il s'agit de votre développement personnel, quand il s'agit de votre évolution personnelle, quand il s'agit de faire des demandes honnêtes et puissantes, il faut le faire du fond de votre cœur. Ok? Du fond de votre cœur. La prière des ancêtres, c'est pareil. La prière des ancêtres, c'est celle que je vous ai montrée là. Il vous faut donc tous ces rituels-là, vous préparer et vous commencez à parler avec eux. Bon, maintenant, si vous n'avez pas ces éléments, vous pouvez toujours leur parler. Donc, la prière des ancêtres, pour, une fois de plus, ce qui ne vient à peine arriver, la prière des ancêtres. Je crois que j'ai déjà développé ça dans plusieurs de mes vidéos. Il vous faut connaître qui sont vos ancêtres. En d'autres termes, il faut connaître le nom de votre père. Bon, votre père et mère, vous connaissez. Le nom du père de votre père. Au moins jusqu'à 4 ou 5 générations, c'est important. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas arriver à 4 générations, est-ce que vous connaissez le nom du père de votre père, le nom de la mère de votre mère? Est-ce que vous connaissez les 2 ou les 4 tribus de votre père, les 4 tribus de votre mère? Ça, c'est très important. Au moins connaître 8 tribus dans l'ensemble. Quand vous avez ces 4 tribus de chaque côté, plus 4 à 5 générations de chaque côté, oh, Nzambakana, le feu s'allume, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. Bon, autre élément de la nature qu'il faut ajouter au cours de votre prière. Vous qui êtes en France, en Europe, vous prendrez les chandelles. Les chandelles, c'est ce que nous appelons les mystiques, ici on appelle ça les bougies divines. Ce sont des bougies divines. Maintenant, ceux qui sont au Gabon qui me suivent, vous allez prendre la torche indigène. Oui, les torches indigènes, ça se vend là-bas, dans les marchés. Allez-y prendre 2, 3, 4, achetez ça. Vous allumez ça derrière votre maison, derrière votre cuisine ou quoi. L'essentiel qu'il y ait de l'espace. Ou bien même dans votre maison, à l'intérieur de votre maison, en vous rassurant que vous n'allez pas brûler la maison, hein, vous allumez votre torche indigène, vous la mettez à marche, vous installez votre natte et vous faites la prière des ancêtres. Pour ceux qui ne sont pas initiés, bon, c'est compliqué. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que cette affaire du pays du Gabon la change. Et ensuite, les deux, je commencerai à penser à faire des conférences. C'est-à-dire, il faut que je voyage, il faut que j'explique. Parce que sur place, je le fais à des petits groupes là, mais les gens sont loin, c'est très bien. Et également, contactez-moi en inbox, je peux vous recommander les personnes au niveau du Gabon qui peuvent vous initier dans le rite de nos ancêtres. Donc, comment prier nos ancêtres. Donc, voilà, en un mot, ce qui était le plus important. La partie pratique, pardonnez-moi, elle n'a pas été à 100% vraiment satisfaisante du fait que je n'ai pas pu faire la pratique pour le moment. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un puisse avoir cette caméra devant moi et là, je devais vous montrer. Mais je vous ai donné l'essentiel. Et copier le gestuel, étudier le gestuel des musulmans, c'est ce que je peux vous dire. Observez le musulman comment il prie, c'est tout. C'est tout ce qui vous intéresse. Je ne vous ai pas demandé à devenir musulman. Si vous voulez devenir musulman, ça c'est votre choix. Hein. Je le suis moi-même, je pratique l'islam. Bon, mais, voilà, oui, vous pouvez le faire. Voilà une bonne question. Est-ce qu'on peut le faire à l'entrée de chez nous avec un feu allumé? Oui. Voilà, Rodic me dit que les conférences seraient une bonne chose. C'est vrai, parce qu'il y a un ami de l'Afrique de l'Ouest là qui fait des conférences ici. Hein. Il voyage, tout ça là. Bon, je crois qu'il faut que je pense à ça. Mais comme pour le moment, je suis tiraillé avec mes amis américains ici. On est en train de faire des projets sur les livres, les projets sur les vidéos, ceci, cela. Donc, je crois que la conférence va être quelque chose d'intéressant. Parce que, comme je disais, l'initiation, ça ne se passe pas de bouche seulement, parler. L'initiation, c'est la pratique. Or, ces choses, j'ai été initié. Je peux vous montrer effectivement, très efficacement, comment vous faites cette prière-là. Bon, la vidéo, il y a des gens qui peuvent en faire un mauvais usage. Ils peuvent mal interpréter ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne 2 minutes de réflexion. Si je peux revenir la prochaine fois faire la vidéo sur cette prière pratique et prononcer les paroles. Ou bien, ce serait mieux de le faire en conférence, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il n'y a pas de réponse. Conférence, ok. Conférence. Au Romboncala, ok, d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Bientôt, maintenant je vais répondre aux questions. Oui, ça doit mériter un enseignement spécial sur conférence. Merci, tout le monde est d'accord sur la conférence. Je ne veux pas déballer les secrets de Chomal au Gabon. Bon, je ne suis pas contre que les autres Africains en profitent, hein, mais moi, mon souci, c'est de voir d'abord mon peuple gabonais profiter de ces choses-là. Donc, je vais répondre à quelques questions ici qui me sont posées sur le site que vous connaissez, Tatanzambe. Merci. Bon, la majorité va pour la conférence. Voici les questions. Pourquoi dans l'une de vos vidéos, vous dites qu'il faut jouir 21 fois par mois et dans une autre vidéo, vous dites non. Vous dites, faut faire l'amour, c'est bon. Alors dans ce cas, y a-t-il pas contradiction? Merci beaucoup, tout le monde est d'accord pour la conférence. Alors je vais répondre à la première question qui m'a été posée. J'ai dit que oui, il faut jouir 21 fois. Quand je parle de jouissance 21 fois, je parle d'une jouissance individuelle. En d'autres termes, vous pouvez, il y a ceux qui peuvent jouir en se masturbant, mais s'assurer que ça doit être 21 fois dans le mois. Pourquoi? J'ai donné des raisons scientifiques derrière cela. Mais est-ce que c'est contradictoire avec ce que j'avais dit la dernière vidéo, que non, vous pouvez faire l'amour autant que vous voulez, même si vous voulez faire 1000 fois, tout, même pendant que madame est dans ces périodes? Il n'y a pas de contradiction. Vous pouvez faire l'amour, vous pouvez jouir plus de 21 fois, mais il y a une règle d'or. Celle-là, je n'avais pas développé la dernière fois. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre partenaire, avec votre mari ou votre femme, et ça va surtout du côté des hommes. Parce que chez la femme est l'être le plus difficile vraiment à faire jouir. Mais par contre, l'homme doit apprendre à maîtriser sa jouissance. En d'autres termes, tous les hommes, ayez le souci de pouvoir jouir au même moment que votre partenaire ou votre femme. C'est là où vous aurez donc atteint le summum du véritable plaisir. Pendant cette période-là, si vous pouvez jouir ensemble, vous pouvez même jouir ensemble pendant 1000 fois, il n'y a aucun danger. Parce que les énergies se neutralisent. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, quand je parle de 21 fois, c'est lorsque vous déchargez individuellement. Lorsque vous jouissez individuellement. Parce que la plupart des hommes n'ont aucun souci du plaisir de la femme. Voyez-vous? Et les gens ne comprennent pas ces nécessités. Donc, il serait indispensable de comprendre ici que quand je dis vous pouvez faire l'amour autant que vous voulez, c'est dans le sens d'un haut niveau de compréhension spirituelle, en d'autres termes, initiatique, complexe, où je pourrais dire ceci, que lorsque vous faites l'amour avec votre femme, rassurez-vous que vous devez jouir au même moment. Et quand vous jouissez au même moment, en ce moment, si vous avez maîtrisé cette technique de jouir au même moment, vous pouvez même le faire 1000 fois. Vous pouvez même jouir 1000 fois. Il n'y aura pas de dégâts. OK? Ou bien faites tout que votre partenaire, donc votre femme, puisse jouir plus que vous. Alors vous êtes gagnant. Mais dès lors que la femme continue à jouir plus que vous, plutôt vous jouissez plus que la femme, vous êtes perdant. Et c'est pour cela que la plupart des hommes meurent. Et c'est pour cela que vous voyez que les lapins meurent toujours après avoir fait le rapport. Donc, je crois que j'ai répondu à cette question. Voilà. Deuxième question sur les rêves. Je vais dire ceci, que sur les rêves, je ne suis pas... Vous faites l'amour 4 fois dans le mois ou bien vous jouissez 4 fois. Bon, je sais pas. Si tu jouis 4 fois dans le mois, ça c'est pas... Est-ce que tu as 150 ans ou quoi? Tu as 150 ans d'âge pour jouer 4 fois dans le mois? Ah non, ça c'est quoi ça? Non, tu peux jouer autant que tu veux. J'ai dit 21 fois, c'est si tu le jouis tout seul. Mais faut faire tout le possible d'avoir l'orgasme, l'orgasme au même moment que la femme. C'est ce que je recommande ici. Il faut le faire. Parce que de temps en temps que vous allez le faire, vous verrez que la femme va vivre longtemps et vous, l'homme, vous allez vivre longtemps. Flo, tu sais que cette personne qui me pose la question n'a pas 150 ans, donc... Ouais. Non, il y a un problème. Tu ne peux pas justement 4 fois dans le mois. Il faut jouir au moins 21 fois dans le mois. C'est ce que la science recommande. OK? Maintenant, si tu réussis à avoir la technique de maîtriser l'orgasme commun, unifié de l'homme et de la femme, vous pouvez le faire même 1000 fois, il n'y a pas de problème. Les rêves, je dis, moi, je n'aime pas interpréter les rêves. Je ne suis pas trop expert en la matière. Pardonnez-moi. Mais il y a certains rêves que je peux expliquer. Mais je ne suis pas, dans mon initiation, moi, je ne me suis pas intéressé du côté des rêves. Je sais seulement que les rêves, il y a des rêves prophétiques. Il y a des rêves, comment on appelle ça, qui... Là, j'utilise ma connaissance en psychologie. Il y a des rêves qui n'est qu'un défoulement, le refoulement de tout ce que vous avez vu durant la journée, parce que tout ce que vous faites durant votre conscient, ben, le subconscient l'enregistre. Je ne vais pas rentrer dans vos histoires là-bas de ma fornication et tout ça. Là. Bon. Pourquoi vous dites que Marie, la Vierge, n'était pas Vierge alors que tous les historiens l'attestent? Bon. Il y a une vidéo où je déclarais que effectivement Marie n'était pas vierge. Je retire ce que j'ai dit. Je voulais dire que n'était plus vierge après la naissance de Jésus. Donc, je répète, la personne m'a posé la question, pourquoi vous dites que Marie n'était pas vierge alors que tous les historiens l'attestent? Oui, Marie était vierge jusqu'à l'âge de 12 ans, mais après la naissance de son fils Jésus, elle n'était plus vierge. Et si vous voulez vérifier cela, Jésus a eu 3 frères et il a eu des sœurs. On ne nous donne pas les noms des sœurs, mais j'ai quand même les noms des frères ici. Je permettez-moi de lire le livre de Marc chapitre 3 où on nous parle des frères de Jésus. Marc chapitre 3, le verset 31 à 32. Voici ce qui est écrit. Ils survinrent sa mère et ses frères. Eux, ils se tenaient dehors et ils ont demandé aux apôtres d'appeler. Alors la foule était assise autour de Jésus et puis voici ce que les apôtres dirent. Voici ta maman et tes frères qui sont dehors et ils t'attendent là-bas. Donc, ici, c'est le seul verset où on nous parle des frères de Jésus. Et il y a également le livre de, je crois, Luc, qui nous parle des sœurs de Jésus. Bon, je ne connais pas le nombre exact des sœurs de Jésus. Je sais qu'il y a eu une certaine Salomé. Mais les frères de Jésus que je connaisse là, les deux qui sont dans la Bible, officiellement, la Bible que nous lisons nous tous là, il y a Jacques et Jude. OK? Jacques et Jude, plus Salomé, et peut-être d'autres sœurs que je ne connaisse pas. Voici les frères et les sœurs de Jésus-Christ, même mère, même père. Donc, Marie, lorsqu'elle a accouché Jésus, elle n'était plus vierge. C'est ce que je voulais dire. Mais elle a conçu Jésus étant vierge. OK? Donc, voilà ce que ça veut dire, simplement, ce que je voulais dire pour répondre à cette question. Donc, Marie a perdu sa virginité quand elle a accouché Jésus. Et naturellement, Jésus a eu des frères et sœurs après cela. L'autre question est la suivante. Nous avons vu une vidéo qui défile sur le net où on montre un Africain qui flotte dans les airs. Est-ce que c'est de la lévitation ou pas? Bon. Pardonnez-moi, je suis obligé de me balader un peu avec ma vidéo ici parce qu'il y a la batterie qui est en train de mourir. À cette question, je dirais ceci. L'homme... Oh là là! Ben, veuillez me pardonner parce que on a été perturbé et du coup j'ai perdu tout le monde là. Bon, écoutez, c'est les caprices de comment dirais-je, de la, les caprices de la technologie. Oui, donc il y a une question, la dernière question qui avait été posée, que nous avons vu une vidéo où il y a un homme qui flotte dans les airs. Et est-ce que c'est de la lévitation, la question que la personne a posée? Veuillez me pardonner, on a eu un petit incident là où la vidéo a été interrompue. Donc, je ne sais pas, veuillez me pardonner. Et je suis revenu là. Donc, la dernière question que je voulais répondre est sur le phénomène de lévitation. Donc, quelqu'un, tout comme moi-même, hein, j'ai observé cette vidéo. Effectivement, elle circule sur les réseaux là où il y a... comment on appelle, il y a quelqu'un qui est en train de léviter, on le voit, il est en train de faire des incantations et tout ça là, et dans une maison, un sous-bassement en dur. Bon, ma réponse, elle est oui. Il existe, apparemment, regardez ce monsieur, parce que je me suis renseigné, j'essaie de contacter l'auteur de la vidéo. Il m'a dit oui, c'est une technique qui existe. Le monsieur est musulman, et il est également expert dans le soufisme. Et dans le soufisme, comme je disais, c'est l'art mystique de l'islam. Et ensuite, en dehors du fait qu'il est soufiste, il maîtrise également le maraboutage. Donc, bon, pardonnez-moi de l'expression, hein, que ceux qui sont musulmans me pardonnent. Donc, il est également un marabout. Donc, c'est un marabout, si vous voulez, c'est quelqu'un qui utilise les pouvoirs de l'islam, ou disons les pouvoirs du Coran, à des fins bénéfiques ou maléfiques. Ça dépend. Vous pouvez aller le voir pour, par exemple, le travail, il vous le donnera. Vous pouvez aller le voir pour arracher le cœur d'une femme, il le fera. Vous pouvez aller le voir pour bloquer le cœur de votre mari, il le fera. Donc, ils le font à des fins bénéfiques ou maléfiques, ça dépend. Donc, c'est cela qu'on appelle les marabouts, généralement. Donc, ce monsieur que vous voyez qui flotte dans les airs, on appelle cette technique en yoga ou encore en métaphysique, on appelle ça la technique de la lévitation. Bon, et dans le taoïsme également, il y a des techniques qui nous permettent de se lever dans les airs comme ça. Cette technique de la lévitation existe bel et bien dans le taoïsme. Il y a près de 13 techniques qu'on vous demande de répéter, d'étudier. Il faut allier cela, le jeûne, c'est-à-dire qu'il faut jeûner pendant un certain nombre de jours, et ensuite, vous verrez que, au fur et à mesure que vous pratiquez cela, vous allez vous lever dans les airs, sans problème. Voyez-vous? Bon, j'ai personnellement tenté l'expérience, mais surtout dans le cadre du yoga, je l'ai fait quand j'étais encore au lycée technique. Je l'avais fait, j'ai réussi, j'étais à près de quelques centimètres du sol, mais avec la peur, je suis tombé. Bon, depuis là, sans vous cacher, je n'ai plus répété la chose. Mais il y a des experts en la matière. Je ne prétends pas être expert en cela. J'ai le livre qui est disponible. Si vous voulez le pratiquer, bon, je peux vous l'envoyer. Ça ne crée aucun danger. Bon, dans l'islam, le monsieur que vous voyez, je le répète, qui flotte dans les airs, là, la vidéo que vous avez vue sur Facebook, un peu partout, c'est une technique de la lévitation mantranique. Donc, ils utilisent des mantras. Les mots que vous entendez le monsieur répéter, il a fait tomber son chapelet. Après, il a invoqué certaines forces et ce chapelet commence à monter et ainsi de suite. Voilà, ce sont des mantras. Et vous savez ce que c'est les mantras. Faut-il encore que je rappelle, peut-être pour ceux qui sont novices, un mantra, c'est un mot de pouvoir, une formule magique qui devient un mot de pouvoir que vous-même vous combinez, vous fabriquez et quand vous le répétez, ça devient comme un mot de passe. C'est un code, un mot de passe pour pouvoir déclencher certaines forces cosmiques pour être à votre bénéfice ou au bénéfice des autres. C'est tout simplement cela. C'est ça le mantra. Donc, le jeune, je crois qu'il serait originaire de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas s'il est de la Guinée-Conakry ou du Mali, parce qu'apparemment, il parlait une langue similaire au Bambara, ou c'était du Bambara ou de Malinké, okay, qu'il était en train de parler. Et c'est cette langue, d'ailleurs, qu'il utilisait pour faire ses incantations. Et au fur et à mesure qu'il faisait les incantations, vous avez remarqué qu'il s'élevait dans les airs. Et au fur et à mesure qu'il faisait les incantations, tous les objets qui tombaient, il les faisait monter par un commandement, par une parole. Donc c'est ça, la lévitation existe bel et bien, c'est une technique qui fait partie de l'initiation, si vous voulez bien. Mais je suis honnête avec vous, moi je n'ai pas voulu le faire. On me l'a proposé dans la Macumba brésilienne, on me l'a proposé dans le Raja Yoga, qui est le yoga royal ou le yoga de la haute magie cérémoniale. Autre technique, j'ai accepté, mais pas celle-là. Vous vous rappelez Aladdin? Vous vous rappelez des dessins animés là, qu'on appelle les Aladdin et tout ça, les gens qui voyagent sur un tapis volant? Eh bien, effectivement, c'est une technique réelle. Et de nos jours, en Inde, je connais une maison qui, si vous voulez commander un tapis volant, ce tapis volant existe. Et ici, aux États-Unis également, je connais un grand professeur des sciences occultes indien, d'origine d'ici, donc les Amérindiens là. Il peut vous donner votre tapis qui peut vous permettre de voyager dans l'espace et le temps. C'est un tapis mystique. Vous asseyez dessus et puis voilà, vous volez dans les airs. C'est une forme de lévitation. Donc, ce que je vous raconte, ce n'est pas des idioties ou ce n'est pas de n'importe quoi. La lévitation existe bel et bien. Léviter veut dire s'élever dans les airs. OK? Avec pour but de pouvoir peut-être expérimenter certaines... comment dirais-je? Certaines expériences, hein, faire certaines expériences mystiques ou quelque chose. Bon, maintenant, quand vous êtes à un niveau très avancé, lui, le monsieur malien ou bien guinéen, là, lui, il a seulement lévité pour rester là à flotter dans les airs comme ça. Mais en Inde, je vous le dis bien, et au Brésil, et ici aux États-Unis, les gens avec qui j'ai discuté, puisque j'ai tenté ce fameux tapis-là, oui, je me suis déplacé à un certain niveau, mais j'ai pris tellement peur, je dis, oh, ça, bon, c'est pas peur que j'allais mourir, mais j'ai le vertige et tout ça, j'ai arrêté. Mais il y a des gens qui prennent ça pour voyager dans l'espace et le temps. Ils peuvent voyager avec ça la nuit. Mais ça demande 10 degrés d'initiation. Et ces 10 degrés d'initiation peuvent vous prendre jusqu'à 5 ans de pratique. Et ça fait partie de ce qu'ils appellent ici des witchcraft. Donc le witchcraft, en d'autres termes, ce sont les techniques de sorcellerie des Amérindiens qui leur permettent dans le temps de se déplacer dans l'espace et le temps. Ils ont également le ballet, mais le ballet est beaucoup plus commun, populaire en Angleterre et en Irlande. Ils utilisent le ballet pour se lever dans les airs en Angleterre et en Irlande. Donc voici les questions qui m'ont été posées, c'est celle-là que je voulais répondre malgré le petit incident. Je vous remercie d'être fidèle et d'être revenu au nombre de personnes qui étaient au début. Bon, avez-vous d'autres questions à poser? Parce que je crois que il doit faire quelle heure là? 16 plus 5, bientôt 21h là-bas en France ou 22h en France, c'est pas trop. Avez-vous d'autres questions? Donc, j'ai rechargé la batterie, j'espère qu'elle ne va pas mourir tout de suite. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi je vais donc tirer rapidement une conclusion sur notre sujet du jour. 22h en France, 21h au Gabon. Ah, tiens, bon, vous avez été très fidèles, hein? Surtout nos amis du Gabon, là, je vous remercie beaucoup parce que c'est souvent rare de voir le Gabon d'être branché pendant presque 2 heures de temps. J'avais du souci, là, je me disais que, mais mon Dieu, c'est ce que j'ai laissé les lunettes. Bon, c'est pas grave. J'espère que je ne me suis pas assis sur ces lunettes-là pour les casser. Oh, elles sont ici. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc le délai de prière. Oh non, mais il n'y a pas de délai dans les prières. Hein? Quand, ah oui, la prière peut être exaucée dans les 24 heures qui suivent ou bien à la minute qui suit. Ah, est-ce que vous avez le livre bleu, vous qui me posez la question sur le signe de la croix des éléments? Ouais, ça finit à gauche. Ça finit à gauche. Ah, quelqu'un pose la question, les escargots blancs. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu as vu des vrais escargots blancs? Ce sont des escargots indondo, comme on dit chez nous au Gabon, non? Ça doit être des escargots indondo, ou bien, je ne sais pas moi. Et ou bien, c'est des escargots que tu as rêvés. Oui, je comprends, Crépin. C'est des escargots que tu as rêvés, ou bien c'est des vrais escargots blancs que tu as vus? J'aimerais savoir. Sinon, l'escargot n'a rien de diabolique, hein, si tu le rêves. Bon, maintenant, si tu les vois, ça va être le... Ah, après un rêve. Oh, ok. Eh bien, maintenant, dans le rêve, là, il faut m'écrire en inbox. Il faut m'écrire en inbox comment tu as rêvé. Qu'est-ce que ces escargots-là ont fait? Parce que là, tu ne me rentres pas dans les détails, là. Est-ce que les escargots t'ont mordu ou bien ils t'ont giflé ou... Enfin, je blague, c'est pas giflé, mais... Qu'est-ce que les escargots ont fait à la fin? Moi, c'est ce que je veux savoir. Donc, je vous disais que moi, je ne suis pas trop expert dans les idées rêves compliquées, là. Les bizarres ou quoi, qu'est-ce que tu racontes, là? Pourquoi quand on prie pour une personne malade, elle ne guérit pas? Ah, voilà, bon. Ça revient à la question que je viens de dire. Que généralement, quand vous priez pour les personnes, ok, il y a plusieurs facteurs. La personne qui est malade, me contacter en inbox, vous pouvez me contacter sur Tata Nzambe, le rite qu'on appelle, le groupe que j'ai sur Facebook. C'est tout. Contactez-moi là-dedans. Bon, maintenant, sûrement, si vous êtes aussi sur ma chaîne YouTube, là, que vous me suivez en ce moment, mais laissez un petit message là, c'est tout. Ok? Oh, merci beaucoup, vous avez compris. Oh, Lord. Je ne veux pas me perdre les idées là. Voilà. Maintenant, c'est une question très importante. Pour quelqu'un qui est malade, vous priez pour la personne qui est malade, mais vous constatez qu'il n'y a pas de suite. C'est ça la question. S'il n'y a pas de suite, il y a plusieurs facteurs qui sont là-dedans. Soit, vous-même, l'opérateur, vous n'êtes pas bon dans votre prière. Parce que ça peut être vous. Ou bien vous ne connaissez pas comment prier, ou bien vous ne savez pas ce que vous faites, ou bien vous êtes impur, parce qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de machins. Bon, maintenant, ça dépend de la prière. Parce que vous avez sûrement constaté que vous qui priez, si vous n'êtes pas un initié, la prière ne peut peut-être pas bien marcher. Mais par contre, tout initié, normalement, quand je parle d'initié, c'est-à-dire que ceux qui connaissent la technique de la prière, logiquement, cette prière devait avoir une suite. Pourquoi? Parce qu'un initié doit d'abord faire un diagnostic sur le malade. En d'autres termes, il doit d'abord poser des questions, savoir donc comment, et ainsi de suite. Mener une inspection totale avant de faire la prière. Parce que ça peut être une maladie. Ou faire même une consultation, si possible. Une consultation, c'est-à-dire spirituelle. Okay? Une consultation spirituelle également matérielle. En d'autres termes, poser des questions. Comment vous en êtes arrivé là? Et au-delà de ça, quand vous avez des doutes, vous faites maintenant la consultation spirituelle. Donc, spirituellement, vous allez rentrer dans l'esprit de cet individu, de cette personne, pour savoir, en fait, qu'est-ce qui l'a amené à être malade. Ça peut être un blocage qui est créé par quelqu'un de sien. Ça peut être un blocage cosmique, ça peut être un blocage mystique, ça peut être un blocage spirituel, ça peut être le pasteur même de l'église qui le bloque. J'en ai vu des cas pareils. Donc, il vous faut faire cette consultation, et à l'issue de laquelle, vous maintenant, là je parle de ceux qui sont initiés, maintenant quand vous allez tacler le microbe, attaquer le démon, ça va partir, il n'y a pas de problème. Mais quand la personne ne répond pas, ne réagit pas, vous priez, mais rien, ça ne marche pas, surtout pour le cas de ceux qui ne sont pas initiés, c'est souvent le cas, la personne soit elle-même elle est bloquée, soit la personne elle-même elle n'a pas la foi. Mais pour nous qui sommes initiés, on n'a pas besoin de vous dire qu'il faut avoir la foi. Moi, je vous dis, quelle que soit la personne qui est ici, musulmane ou chrétienne, que vous ayez foi ou pas, ce que je vais dire et vais demander vous sera accordé. Parce que ma demande ne dépend pas de vous, mais elle dépend de Nzambakana, elle dépend du Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, lequel ne dit jamais non à quoi que ce soit qu'on lui demande. Parce que tout ce qu'on lui demande est légitime. La guérison est une demande légitime. L'abondance est une demande légitime. La richesse en argent n'est pas une demande légitime. Vous ne pouvez pas demander à Dieu pour être riche, milliardaire. Ça, il ne va pas répondre à cette prière-là. OK? Mais par contre, ce que je viens de vous citer, tout est légitime. Donc, par conséquent, il serait quand même important de regarder tous ces paramètres-là. Donc, la réponse, elle est oui et non. Quand vous faites une prière pour quelqu'un, c'est ce que j'ai dit au début, Dieu peut répondre à cette prière ou bien les dieux peuvent répondre à cette prière comme ils peuvent rejeter la demande. Vous allez crier, crier, crier, rien. Et vous verrez que les pasteurs, pour la plupart, ou les prêtres, ils sont ignorants dans ce sens. Ils vont commencer à vous engueuler pour vous dire « Oh non, vous n'avez pas la foi, c'est vous, c'est votre tête, c'est vous qui n'avez pas la foi. » Ça n'a rien à voir avec la foi, c'est faux. Parce qu'un véritable initié, parce que si le pasteur ou le prêtre était initié, en réalité, il n'a pas besoin de blâmer la foi. Ça n'a rien à voir. Ceux qui m'ont suivi la dernière fois, je vous expliquais ce que c'est la foi. La foi n'est pas un fruit, que vous allez développer, que quelqu'un va vous donner. Le pasteur ne va pas vous donner la foi. La religion ne va pas vous donner la foi. La foi, elle est en vous. Elle est innée en vous. Tout dépend de vous. Donc, même si vous projetez sur quelqu'un d'autre, vous pouvez influencer les événements et le temps. Voilà le pouvoir qu'a un initié. Un initié influence les événements et le temps. Yahshua, Yeshua Christ de Nazareth, ou encore Jésus le Christ. Souvenez-vous, lorsqu'il était sur un bateau avec ses disciples, selon l'histoire rapportée par la Bible, les mecs partent à la pêche, rien, il n'y a pas le poisson. Eh bien, ils pêchent à gauche, à droite, il n'y a rien. Et Jésus leur dira, bon, allez-y, mais jetez le filet ici, là. Quand ils ont jeté le filet, là, c'était difficile de soulever. Tellement le poisson, il y en avait que c'était difficile. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé l'influence sur le temps et les événements. Deuxième exemple encore, toujours de Jésus. Il est sur la pirogue, il est en train de dormir hein, pendant qu'ils étaient en train de pêcher. Oh, les apôtres paniquent. Oh, yo, Jésus, notre maître, vraiment, il va pleuvoir. Il y aura la tornade. Oh, mon Dieu. Oh, ça paniquait. Mais Jésus leur a dit, mais vous pouvez parler à ces choses-là. Vous pouvez parler à la nature. Les apôtres se regardèrent. Jésus a regardé la tornade. Jésus a regardé les machins. Le vent s'est calmé. Tout s'est calmé complètement. Il a seulement tensé. Quand on dit tensé, c'est-à-dire qu'il a parlé à haute voix. Il n'a pas crié comme un fou, hein, mais il a tensé. Consultez le dictionnaire, tensé, c'est ce que ça veut dire. Différent, parce qu'il y a certains pasteurs qui vont venir vous dire ici, là, oh, yo, ceci, cela. Merci beaucoup, Bassé. Voilà, quand un véritable mage parle, ou bien un initié parle, il y a toujours quelque chose qui s'accomplit. Parce que les lois cosmiques vont toujours obéir. C'est comme ça, tout initié répond à cette règle. La loi va toujours... la loi est obligée d'obéir. Parce qu'un mage, c'est qui? Un mage, c'est quelqu'un qui applique les principes universels pour le bien des uns et des autres. Il ne le fait pas pour le mal. Bon, mais comme la Bible le dit hein, dans Romains, que le pouvoir de Dieu est comme une épée tranchante, hein, à double tranchant. Donc, ça peut vous donner la mort, tout comme ça vous amener la mort, la vie. Donc, quand vous avez le pouvoir entre vos mains, bon, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Il y a malheureusement ceux qui choisissent pour faire le mal. Il y a ceux qui choisissent pour faire le bien. Donc, moi, votre humble serviteur, je me concentre beaucoup plus à faire du bien. Parce que moi, je crois que je ne veux plus perdre ma vie ici pour me réincarner, revenir encore sur terre. Non. Et puis moi, je respecte la loi du karma. Tout ce qu'on n'aimerait pas qu'on me fasse, je ne vais pas le faire à autrui. Voyez-vous? Donc, c'est des lois karmiques, des lois simples, en conformité, machin. Donc, pour répondre à cette question, je crois que j'ai donné une satisfaction. D'autres questions? Parce que j'ai répondu à la question du malade. Et pour me résumer, pour dire que ce ne sont pas toutes les prières qui sont toujours agréées. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont mis en jeu. Même les initiés eux-mêmes. Parfois, il y a des initiés qui font des prières, mais rien. La méditation avec le soleil. Je vais revenir dessus. Mais finissons d'abord avec l'affaire des prières. Savez-vous, dans un exemple, il y a un exemple de la Bible. Les apôtres de Jésus ont trouvé un mec qui était possédé par des démons. Ils ont tenté, rien. Ils avaient peur. Le type voulait me les gifler, il les poursuivait. Et ils ont fait appel à Jésus. Et Jésus s'est mis à prier. Et on a vu des démons sortir. Voilà, Voilà, exactement. Sur l'histoire des porceaux, là. Tous. Et à la fin, les apôtres le regardent là, tout étonnés. Mais Jésus leur a dit non. Il y a des prières qui nécessitent certaines privations ou certaines techniques. Et pourtant, c'était ses apôtres. Pourtant, c'était ses élus. Et pourtant, c'était ses disciples. Voyez-vous? C'est ça. Mais malheureusement, cet exemple nous montre bien qu'ils avaient des carences, là. Donc, il y a certaines prières qui recommandent qu'il faut jeûner. Il y a certaines prières qui demandent qu'il faut se priver de certains aliments. Il y a certaines prières qui demandent qu'il faut se priver même de parler des choses de ceci et cela. Donc, il y a tout un arsenal de choses qui, parfois, il faut observer. Par exemple, quand vous avez affaire à des fous. Moi, je travaille, je suis psychiatre, je travaille dans un hôpital de fous. Mais il y a des fous. Je triche parfois, je donne le comprimé, rien, le mec, ça ne va pas. J'explique au médecin en chef, il me dit, ah, laissez, il faut augmenter la dose. Je dis, mais le type là, il est fou, il va augmenter la dose, ça va faire péter le cerveau du type. Moi, qu'est-ce que je fais? Je triche, je prie pour le mec. Et le pauvre fou me vient me voir, il me regarde dans les yeux, il me dit, ah, vous là, vous êtes exceptionnel, hein, merci beaucoup, merci. Je dis, oh, qu'est-ce que vous dites, merci? Il dit, ah, parce que j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il faut que je vous respecte. Mais j'ai gardé la conversation secrète, parce que quand si je vais expliquer ça au psychiatre, médecin, il va me dire, non, vous-même, vous êtes malade aussi. Il va me dire, mais monsieur Moret, vous êtes malade vous-même. Non, parce qu'eux, ils pensent que schizophrène, que qui est schizophrène, qui entend les voix, forcément, c'est des voix internes, personnelles. Or, nous qui sommes initiés, on a ce double avantage de comprendre que, oui, il y a des cas schizophréniques, oui, c'est vrai, il y a des cas qui, cliniquement déclarant que schizophrénique, parce que c'est la résultante de certains bruits ou de certaines voix internes qui résultent parfois de ça et des effets négatifs des médicaments. Mais il y a, moi en tant qu'initié, je comprends également aussi qu'il y a des esprits. Je vous l'avais expliqué la dernière fois quand vous appliquez la loi du silence. Laquelle loi je fais des efforts d'appliquer. Deux fois par semaine, je ne parle pas, je ne réponds pas au téléphone. Donc quand vous appliquez cette loi, vous verrez que les génies vont vous parler, les oreilles vont bourdonner et vous entendrez des voix. Donc s'il en est de même parfois de ces fous-là, parce que vous savez, quand vous êtes fou, vous ne dépendez plus du conscient. C'est votre subconscient qui est en connexion avec les forces cosmiques. Par conséquent, vous êtes devenu un être interposé par lequel les esprits de l'au-delà peuvent parler. Voyez-vous? Alors, quelqu'un m'a posé sur la question, pouvez-vous revenir sur la méditation avec le soleil? Bon, quand je parle du soleil, là, je n'ai pas dit de méditer. Je n'ai pas dit de méditer le soleil. J'ai dit, c'est la prière. Enfin, prière, c'est trop dire. Le bain de soleil. Donc, le bain de soleil est une technique. Et d'ailleurs, je l'ai faite, là, avant de venir vous parler, il y a 2 heures de temps. J'étais très content. Ce bain de soleil consiste pour vous de vous remplir des énergies solaires, de vous remplir des énergies, des éléments du soleil. Bon, maintenant, en tant qu'initié, derrière ce soleil se cache une force cosmique. Derrière ce soleil se cache le... comment dirais-je? Parce qu'on nous dit que le soleil est l'une des particules de la manifestation du Dieu suprême. Donc, derrière, effectivement, ce soleil se cache quelque chose. Et c'est ces énergies-là qu'en tant qu'initié, vous absorbez cela. Est-ce que les idées sont des génies? Non. Non et oui. Vous voulez dire la pensée? Parce que ne m'embrouillez quand vous posez vos questions là. Bon, Dieu merci, nous n'avons pas quand même à guider ce que vous voulez dire. Quelqu'un pose la question, est-ce que les génies sont des pensées? Vous voulez dire, est-ce que les pensées sont des génies? Oui. Oui, on peut faire aussi avec la lune, on peut faire ça avec l'eau, on peut faire avec la terre, tout. Il y a plein de rituels dans ce domaine-là. Non, je voulais dire, la question des idées, ce n'est pas les idées. Oui, c'est-à-dire les idées que vous avez, en d'autres termes, les pensées qui vous inondent. Ok, les pensées qui vous inondent, effectivement, ce sont les génies. Ok, ce sont les génies. En d'autres termes aussi, il n'y a pas seulement que les génies. Il y a aussi vos ancêtres. Il y a aussi les esprits désincarnés. Ok, c'est-à-dire des amis à vous qui étaient des alcooliques ou des drogués, tout cela, mais qui parfois veulent se communiquer avec vous. Vu qu'on ne peut pas prier pour la richesse. Sur doit-on faire à la place? Bon, vous ne pouvez pas demander à prier sur la richesse, parce que votre richesse, ça dépend de votre position. Oui et non. Par exemple, si vous êtes un homme d'affaires et que vous avez déjà 10 millions, bon, mais vous voulez avoir un chiffre d'affaires de 20 millions. Ce genre de prière-là, oui. Mais vous n'avez même pas 1 million et vous voulez avoir 10 millions. Vous avez peut-être seulement 50 000 francs CFA, ou bien vous êtes fauché comme un rat de l'église. Même les rats de l'église mangent quand même les miettes de communion. Et vous voulez demander à Dieu de vous donner des millions? C'est dans ce genre de prière-là, Dieu ne peut pas répondre. Je suis clair avec vous. Nous devons prier quand nous prenons le bain de soleil. Oui, il y a des prières. Je crois que je l'ai mise là sur vidéo. Elle est disponible. La prière est disponible. Je peux venir peut-être ici. Donc, je vais un peu répondre à la question là, sur la personne qui insiste, mais comment? On ne doit plus donc demander à Dieu d'être riche. Et pourtant, bon, moi j'ajouterai, c'est moi qui ajoute. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 7, 7 que demandez et vous recevrez, et tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Mais attention, tout ce que vous demandez qui est conforme, tout ce que vous demandez qui est légitime. Mais est-ce que toi, tu gagnes seulement 100 dollars, tu vas aller demander Dieu de donner 1 million de dollars? Ça a commencé comment? Tu es dans cet état-là? Non. Moi, je dis non. Je me mets même à la place de Dieu, je ne peux pas. Parce que moi, s'il veut te donner 1 milliard tout de suite, alors que tu gagnes seulement 50 000 francs par mois, ne trouves-tu pas que tu peux m'attraper un arrêt cardiaque quand tu vas recevoir le milliard? Vous voyez? Bon. Enfin, ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Donc, il faut marcher aussi avec la logique. Vous n'allez pas demander à Dieu 1 milliard et quand vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose avec ce milliard. Parce que cet argent peut glisser entre vos mains et disparaître. Donc, n'oubliez pas que Nzamba Kana, c'est même pas lui qui intervient. Ces génies qui vous aident à avoir ces milliards-là, ils réfléchissent à l'avance avant vous. En d'autres termes, hein, je t'ai distrait parce que je suis en train de lire l'histoire d'une tante qui faisait des prières de certaines préparations. Oui, toute prière, il faut toujours faire une préparation. Oui, oui. Donc, parlant de la richesse, j'insiste. Dieu ne peut pas répondre à la prière de quelqu'un qui lui demande 1 milliard de francs CFA. Je vous le dis honnêtement. Pourquoi? Il est omniscient. Il est omniscient, ça veut dire qu'il est au-dessus de la science. Il est au-dessus de la connaissance et de la sagesse. Si déjà, tu vis dans le Madouaka, là, tu vas demander 1 milliard, tu veux faire quoi avec ça? Oh, des fois, tu peux m'attraper un arrêt cardiaque quand l'argent là-bas, tu vas entendre que tu as gagné une loterie d'un milliard. Donc, laissez le temps au temps. Si vous êtes millionnaire et que vous demandez à avoir plus de millions, il vous les donne. Voilà pourquoi je vous ai recommandé dans vos prières. Vous verrez que dans le livre bleu, il y a des rituels pour ceux qui ont commandé le livre bleu. Il y a des rituels qui vous aident comment avoir de l'argent, comment attirer de l'argent. Mais ça ne vous demande pas comment attirer les milliards. Voyez-vous, même dans nos sociétés au Gabon, moi, ma mère le faisait de son vivant, il y a des feuilles de la brousse qu'on vous donne. Vous mettez ça sous votre bouche. Vous partez là. Vous partez chez des amis et connaissances, au travail. Partout, vous allez ouvrir la bouche. Dès que vous ouvrez la bouche comme ça, j'ai besoin, donne-moi, après, trouve-moi 50 000 francs CFA. Le type va faire tout pour vous trouver 50 000, même s'il doit aller s'endetter. Ça, c'est un pouvoir qui existe chez nous. C'est une feuille, je la connais. Donc, il en est de même avec les esprits, quand vous priez. Voyez-vous, quand vous priez, si vous demandez à Dieu, « Ah, moi, j'ai besoin de l'abondance. J'ai besoin de l'abondance. » Il va vous donner. Parce qu'il promet dans sa parole qu'il donne plus qu'il ne faut. Mais vous aussi, voyez-vous la Bible, quand elle parle de dîmes, là, voilà, je reviens sur le mot dîme ou bien les offrandes. Quand vous lisez le livre de Luc dit bien que « Donnez-moi et je vous en donnerai le centuple de ce que vous me donnez. » Donc, essayez de vous exercer avec ça. Que vous soyez dans une église ou pas. C'est-à-dire, si vous gagnez 10 000 francs CFA, eh bien, vous prenez plus de 5 000 francs CFA, allez-y donner ça aux gens qui sont dans le besoin. Je parle des gens qui sont réellement dans le besoin. Des gens qui sont pauvres. Allez-y donner. Donnez. Au point de vous priver vous-même. Et vous allez me dire, avant la semaine, vous aurez 10 fois plus. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai essayé ça. J'ai essayé ça dans les églises. On nous avait demandé les offrandes spéciales. Bon, moi, je m'en fous de savoir ce que le pasteur va faire avec cet argent. S'il va aller faire le banditisme à l'hôtel ou bien acheter des voitures. Ça, ce n'est pas mon business. Mais il dit offrande spéciale. Donc, quand vous faites cette offrande spéciale, en fait, vous signez un, vous êtes en train de mettre Dieu à l'épreuve. Donc, l'offrande spéciale est conforme à la Bible, selon le livre de Luc. Le livre de Luc dit bien que, mettez-moi à l'épreuve, donnez-moi le peu que vous avez et je vous donnerai le centuple. Donc, je crois Luc chapitre 6. Donc, quand vous faites cet exercice, voilà, ça s'appelle, merci beaucoup, l'offrande volontaire. Oh, au lieu d'aller jouer les loteries ou bien aller demander à Dieu de vous donner 1 milliard, commencez d'abord à faire ce qu'on appelle l'offrande volontaire. Donc, vous dites à Nzamba Kana, le Dieu suprême, « Bon, j'ai eu un chèque pour nous qui travaillons aux États-Unis. J'ai eu mon chèque de 1 000 $. Bon, je vais tout envoyer là-bas, aux parents, au village. Je m'en fous, même si je ne dois rien payer. Je ne veux pas payer mes billes. » C'est difficile de faire, mais faites-le. Vous sacrifiez donc tout votre argent. Ça s'appelle l'offrande volontaire. Je vous le jure, les 1 000 $ que vous avez envoyés avant une semaine, Nzamba Kana lui-même sait comment il va faire pour vous donner même 2 ou 3 fois plus, voire le centuple, comme il même le dit la Bible. Parce que rien de ce qui est écrit dans la Bible ne s'accomplit. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Mais ce qui nous embête, c'est parce qu'on a peur. La peur, c'est un peu le manque de foi. Vous n'avez plus confiance. Vous dites, ah mon Dieu, ça c'est le peu d'argent que j'ai. Je dois aller payer à mon père des enfants. Ah, je vais payer l'école de mon fils. Je vais faire ceci. Vous faites déjà des calculs et vous commencez à mettre Dieu de côté et vous niez. C'est ça, c'est la peur. Mais faites-en l'expérience. Je répète, j'appelle ça l'offrande volontaire, comme le disait l'ami ici là. Donc c'est ce qu'il faut faire. Commencez d'abord à faire les offrandes volontaires de temps en temps. Et quand ça va commencer à marcher, vous verrez que, au fur et à mesure, vous demanderez l'abondance. Et voilà comment vous ajouterez maintenant la prospérité. Et après la prospérité, vous arriverez maintenant à la richesse, à la machin, au surplus. Donc, c'est ça. Mais n'allez pas demander directement à Dieu, donne-moi 1 milliard. Les dieux auront comme l'impression que vous les mettez à l'épreuve. Et ce genre de prière, je vous dis la vérité, Dieu ne va pas répondre. Il dira, mais ce type-là, il va me tester. Parce que moi, si je vais lui donner 1 milliard, il va faire quoi avec? Parce que lui, il voit déjà votre vie, comment vous vivez. Vous vous rendez compte? Donc, parfois, il y a certaines choses qu'il faut éviter de demander quand vous savez très bien que vous n'êtes pas en mesure de gérer la force qui se cache derrière ce que vous demandez. OK? Ça, c'est très, très important de le comprendre. Donc, je vous en prie, c'est très, très important de comprendre ce que je viens de vous dire, qu'il est indispensable, donc, de pouvoir maîtriser ce que nous demandons et de savoir que il faut être quand même, il faut utiliser ce qu'on appelle ici en anglais le common sense. Mais quand on est dans un besoin, dans un réel besoin, on fait comment? Oh, mais c'est simple. Quand on est dans un besoin réel, mais on demande exactement ce qu'on veut. Mais honnêtement, entre nous, est-ce que vous êtes dans un besoin réel d'avoir 1 milliard? Non, c'est pas ça que vous voulez. Jésus a dit, contentez-vous du peu que le Seigneur va vous donner. OK? Et Jésus, vous appliquez la loi d'or, là, qu'on a vu dans la prière. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres termes, cherchez d'abord à tisser une relation personnelle avec Dieu. Cherchez à observer ses commandements. Continuez à le louer, l'adorer, sans se plaindre. Restez dans la joie, gardez cette paix, méditez, et vous verrez. Quand vous allez demander ce que vous voulez, vous allez le désirer. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un besoin réel, est-ce que le besoin réel, c'est avoir 1 milliard? Non. Oui, les besoins réels, ce sont ce qu'on appelle le besoin légitime. Quand on est dans un réel besoin, oui, il faut prier. Il y a 2 actions qu'il faut faire. Soit il faut prier, soit il faut poser des actions face à sa situation. Bon, le cas du Gabon, je sais, il n'y a pas le boulot. Bon, il n'y a pas le travail, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu n'as pas 2 pieds? Tu as 2 pieds, tu n'as pas 2 bras. Tu n'as pas 2 mains, tu as les bras. Bon, je vais penser, je dis, ben tiens, je vais faire la pêche. Je m'en vais pêcher dans la zone d'Ovendo. Peut-être que j'aurai 2 ou 3 poissons. Et peut-être que quelqu'un va acheter ça, je ne sais pas. Bon, j'habite la zone d'Ocala, il y a la brousse, machin. Je peux aller faire mon agriculture, je ne vais pas trop compter sur ces hommes politiques-là. Ils vont venir me bombarder de discours bizarres, je ne suis pas dedans. Voyez-vous? Donc, il faut d'abord poser des actes. Hein? Parce que, je vais vous dire, je n'encourage pas les gens de trop compter sur l'histoire de la prière. Je n'encourage pas les gens de trop dire que toute chose que trop Dieu, prière, oh, prière, prière. Non. C'est pas ce que je voulais dire ici. Ce que je voulais dire dans ce show, c'est pour vous expliquer simplement que la prière a sa méthode d'être faite et que nous, en tant qu'Africains, nous avons notre méthode à nous de prier et que la prière, elle est là comme l'un des outils qui nous permettent d'avoir, de poser des demandes tout à fait légitime et d'avoir des réponses également légitimes. Mais vous n'allez pas dans la prière demander que moi je dois aller tuer Ali Bongo Ondimba. Ça, ce n'est pas une prière, ça. Parce que ça va à l'encontre du karma. Vous n'allez pas me demander moi dans ma prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oh non, mais avec toutes les connaissances et les pouvoirs que vous avez, pourquoi vous ne nous tuez pas ce cafard d'Ali Bongo Ondimba? Ah, vous me demandez d'aller le tuer. Maintenant, c'est après quand moi je vais avoir le karma, je vais être transformé en crapaud pour être écrasé par un véhicule. Est-ce que vous serez là? Donc, laissez-le, c'est ce qu'il fait. Il faut passer par la méthode qu'on vous demande de faire. Bon, pardon, on ne parle pas politique ici, là. Là-bas, allez-y dans l'autre machin, là-bas, où j'explique comment s'en débarrasser d'Ali Bongo Ondimba. Il y a d'autres choses qu'il faut faire que de parler d'aller le tuer. Donc, est-ce que j'ai répondu, là? Bon, je crois qu'on va finir. J'accorde encore seulement 2 minutes, après on ferme. Ah, l'histoire de batterie Lola. Ah, j'essaie de charger, ça se coupe. Je charge, ça se coupe, c'est comment? Bon, écoutez, je crois qu'on en a terminé. Je ne veux pas que La chose nous laisse encore. Donc nous allons nous quitter et espérons que d'ici la semaine prochaine, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver et que tout se passera bien selon la volonté de Nzambakana. Voilà, c'est que je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Dieu est amour, il est mali comme il est mouere. Merci. Basse. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et veuillons nous retrouver d'ici la semaine prochaine. Je vous communiquerai le jour comme d'habitude. Je vous remercie d'être venu en masse à notre live. Je ne m'y attendais pas malgré les caprices de la technologie. Malgré les caprices de... Comment dirais-je de... Je crois que c'était plutôt ma batterie qui était en train de mourir, pardonnez-moi. Je crois que tout a été bien passé. Merci vraiment. Je suis très content que les gens m'ont suivi au Gabon plus de 2 heures de temps. Faites passer les... Je sais que vous avez sacrifié vos unités, mais merci. Que Dieu vous bénisse, Nzambakana. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce monsieur-là qui est en train de chanter ici-là, hein, Mingongo, monsieur Mingongo ici-là est en train de parler de la prière. Donc, je vous en prie, même s'il chante en Tsogo, mais c'est une chanson très profonde. Où il est justement... Waouh, merci. Même au Sénégal, on m'a suivi là. Merci beaucoup. En Russie, merci beaucoup la Russie. Merci Paris. Merci le Gabon. Merci à tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et merci depuis Bordeaux. Et merci depuis le Gabon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous pareillement. Merci. Ah, merci. C'est mon souhait. C'est mon souhait de revenir au pays. Je viendrai. Nzambakana, je viendrai. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup depuis les Antilles, merci. Merci de me suivre depuis les Antilles, oh, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Wow, vous avez attendu une semaine? Oh, merci, on se retrouve au prochain live. Je vais vous communiquer, je sais que ce sera la semaine prochaine. Je vous dirai le jour exact et l'heure. Il n'y a pas de problème. Abonnez-vous sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant, sur Facebook. Et également ici sur ma chaîne. Merci beaucoup, Bertil, merci. Soyez bénis, bonne soirée. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez-y en inbox. Je serai là. Thank you. Bamba Tongi. Merci. Merci. Ouais, mon email, il faut, mon mail, il faut passer sur inbox, pardon. Il faut passer sur inbox, je vais vous communiquer mon email. Merci beaucoup, merci. Merci. Ok, dans ce cas, laissez-moi un message sur YouTube. Laissez-moi un message sur YouTube là. Ok. Et de là, je vais vous donner sur YouTube. Je vais vous balancer mon adresse Facebook. Oh, la musique qui passe. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. C'est JP Mingongé. Pere Pere. C'est le titre. Bon, vous cherchez ce Mabuiti. Dans la zone, dans. Vous prenez le nom Bouiti sur YouTube et ça va vous montrer les noms de tous les grands artistes Bouiti. C'est aussi simple et vous les retrouverez. Vous trouverez ce type-là de JP Mingongé. Pega Pega. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers compatriotes, chers amis. Que Dieu vous bénisse et je vais vous quitter et à nous retrouver à la semaine prochaine. Merci encore. Merci.